Aux abonnés absents. Aux abonnés absents. L'émission triple A. Qui n'est pas présentée par des andouillettes. Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 2 d'Aux abonnés absents. Voilà, j'ai réussi à le dire. On se retrouve pour l'épisode 2 avec Fabien. Salut Fabien. Salut. Avec Valentin. Salut. Et avec Lucie. Wouh. Salut. Donc, on va commencer directement l'épisode 2. Hein. Dans la première partie, il y aura une chronique de Valentin sur Satoru Iwata et une musique de Fabien. Donc, on va commencer directement avec la chronique de Valentin sur le PDG de Nintendo. Vas-y, Valentin. Eh oui, comme vous le savez, Satoru Iwata est décédé le 11 juillet 2015. Tous les grands geeks sont en deuil aujourd'hui. Enfin, cette terrible nouvelle de ce grand inventeur, de ce grand codeur de Nintendo. Et donc, du coup, j'ai voulu faire une petite biographie de sa vie pour montrer à quel point ce gars-là a un peu révolutionné le jeu vidéo. Ou en tout cas, n'était pas justement dans les lignes du jeu vidéo actuel. Donc, je vais essayer de lui rendre hommage comme je le peux, mais bon. Bah, je suis très content que tu fasses une chronique sur lui parce que je me rends compte à quel point c'était quelqu'un que je connaissais très très mal, en fait. Bah, moi aussi, je le connaissais très peu et j'étais surpris en lisant sa page Wikipédia et en lisant votre site. Et voilà le parcours. Il est né le 6 décembre 1959, donc au Japon. Il était déjà très fan de jeux vidéo, hein. Il programmait déjà sur sa calculatrice des petits jeux, dont un que ses amis ont déclaré aux journaux quand il était devenu un peu plus connu, il avait programmé un jeu de baseball sur sa calculatrice, donc il n'y avait pas de graphisme, hein, c'était juste avec des chiffres. Et c'est pour ça que ses amis l'ont poussé dans le jeu vidéo, et au final il a été dans une université à Tokyo, une grande université, où il est devenu majeur en informatique. Et avec une bande de copains qu'il avait rencontrés dans une sorte de regroupement de codeurs, ils créèrent le HAL Laboratory. Alors le HAL, pour les fans de 2001 de l'Odyssée de l'espace, c'est un clin d'œil à l'ordinateur HAL 9000. Et aussi, ce qu'avait fait Iwata, c'est que HAL, c'est les lettres qui précèdent IBM. Et donc il disait on a un cran devant IBM, donc c'est parfait. Donc du coup, après avoir terminé ses études, il rentre dans la société, car une société a carrément été créée. Et donc du coup, il rentre dans cette société quand il termine ses études. Et en voyant l'arrivée de Nintendo sur le marché, en créant la NES, il décide vraiment de prendre un point important dans le jeu vidéo avec cette société qui était à la base fait que pour des logiciels de traitement ou pour des grandes entreprises. Et lui prend carrément le projet de faire du jeu vidéo dans HAL, donc lui il a carrément un secteur de jeu vidéo. Alors ils avaient créé un jeu pour la NES qui a pas bien fonctionné, c'est Satoru qui a tout fait pour que le jeu sorte au final. Mais plus tard, avec l'avancement de cette entreprise, ils créèrent carrément des jeux qui sont devenus des licences hyper connues de Nintendo. Donc il y avait le premier jeu, c'était Balloon Fight, Earthbound, où on voit les personnages dans Super Smash Bros notamment, et Kirby, qui est l'un des jeux les plus connus de Nintendo, hein, encore aujourd'hui. Il a prouvé avec ces jeux-là que c'était un développeur chevronné, et tous ces jeux étaient clairs, avec un code fluide, etc., donc c'était vraiment un super développeur. En 1993, il devient président de HAL, donc cette société, et il continue à coder, même avec ce statut de président, en codant notamment pour Nintendo avec Super Smash Bros. C'est lui qui a créé Super Smash Bros. Et Pokémon Stadium. Ayant beaucoup de contacts chez Nintendo, il est intégré à l'équipe de développement de Pokémon Or et Argent, qui sont la suite directe de Pokémon Bleu et Rouge sur Game Boy. Et grâce à lui, il développe un outil de compression et il permet d'intégrer la carte de Kanto, donc la première carte de Pokémon, dans la deuxième cartouche. Ce qui fait que le jeu a une durée de vie encore plus incroyable que le premier, parce qu'il y a deux cartes, et sans lui, ça n'aurait pas été possible. Donc en 2000, il est intégré chez Nintendo, il travaille chez Nintendo, et il travaille notamment pour la dernière fois en tant que vrai codeur, hein, il travaille sur Super Smash Bros. Melee. C'est lui qui a réglé tous les bugs, parce que l'entreprise qui s'en occupait est tombée en faillite, donc c'est lui qui a tout réglé les bugs. Et la preuve que c'est un bon développeur et un très grand codeur, c'est que Melee est sans doute l'un des meilleurs Super Smash Bros. De l'histoire, au niveau de son gameplay, au niveau de sa jouabilité. Donc du coup, c'est son dernier vraiment métier de codeur. C'est la dernière fois vraiment qu'il s'est impliqué dans le codage. Et en 2002, il devient président de Nintendo pour le patron de Nintendo à l'époque aimait beaucoup Satoru Iwata parce qu'il avait une belle vision du jeu vidéo. Donc du coup, il décide de le mettre président de Nintendo. Et il fait énormément de choses pour Nintendo, notamment il sort de l'isolement. Il n'y a plus que des jeux Nintendo, il y a des accords, notamment avec Namco, Square Enix ou Sega. Et en 2004, il fait une révolution dans le jeu vidéo. Il crée la Nintendo DS, qui est la console la plus vendue du monde, hein, et la Wii aussi, qui a fait un tel exploit, parce qu'il a recréé un nouveau moyen de gameplay, un nouvel moyen de jouer. Donc ce fut vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, avec ça, Iwata réussit à sortir Nintendo de la crise. Donc c'était quelque chose d'assez incroyable, sachant qu'ils étaient vraiment au plus bas, Nintendo, avec la GameCube notamment. Et en 2007 et 2008, le New York Times, ils élisent Satoru Iwata, ils l'élisent meilleur patron d'entreprise, meilleur dirigeant d'entreprise du monde, avec son ouverture sur le jeu, avec sa sympathie avec ses employés, sa créativité, notamment avec Miyamoto qui intègre un groupe de direction en fait, qui permet une grande liberté dans la créativité du jeu vidéo. Et pareil, hein, pour cette sympathie, il crée le Nintendo Direct pour avoir un lien direct justement avec les fans. Et il n'hésite pas d'ailleurs à jouer avec son image en se déguisant en Luigi ou en autre personnage de Nintendo. Mais malheureusement, plus tard en 2010, il y a eu un gros échec avec la 3DS. Notamment, c'était pas un renouvellement, parce que la 3D de la 3DS, c'était pas extraordinaire. Disons que ça a fait un peu un pétard mouillé, quoi, à l'époque. Donc du coup, suite à ce gros échec, il décide de baisser son salaire de 50%. Et pareil avec l'échec de la Wii U, qui a fait un peu le même effet, en fait, que la 3DS, parce que, ça se fait un pétard mouillé, hein, l'idée de la tablette dans les mains. Donc pareil, il redivise son salaire en deux, pour essayer de maintenir Nintendo en jeu. Et du coup, il avait pas assez de sous pour se soigner. Et voilà. À la fin, ironie du sort, oui. Il propose ensuite, donc là, en 2015, le projet NX, dont on ne saura pas plus aujourd'hui, on n'en sait pas plus. La nouvelle console de Nintendo, qui apparemment est la toute nouvelle, vraiment un tout nouveau gameplay. Et j'espère que vraiment ça sera quelque chose d'extraordinaire, sachant que Iwata Satoru a travaillé dessus. En tout cas, ce qu'on peut dire sur lui, hein, c'est que ce fut un novateur du jeu vidéo. Il l'a toujours dit. Il n'est pas là pour la puissance du jeu vidéo. C'est-à-dire que lui, tout le monde était à la quête de la puissance dans le jeu vidéo, et lui justement ne voulait pas ça. Il voulait repenser le jeu vidéo comparé à la montée en puissance. Il voulait prouver que le jeu vidéo était fait pour tout le monde. Et il voulait montrer une nouvelle forme de jeu vidéo, et ça a fonctionné avec la Wii et la Nintendo DS notamment. Tout le monde y joue, même pas les joueurs aguerris, tout le monde. Et malheureusement, donc, il meurt le 11 juillet 2015 d'une tumeur cancéreuse à l'âge de 55 ans. Et il faut quand même penser qu'il a quand même révolutionné le jeu vidéo en bien, en montrant des jeux superbes, et notamment des jeux imaginatifs qui ne sont pas là que pour vraiment gagner de l'argent. C'est des jeux bien pensés, c'est des beaux jeux, tout simplement. Quand on achète des jeux Nintendo, on sait que ce sont que des bons jeux, presque que des bons jeux. Et je pense que rien que pour ça, on doit garder vraiment une belle image de Iwata Satoru, qui a changé en bien ce monde du jeu vidéo. Vol, petite colombe. Bah, c'est vrai que je le connaissais très peu, je savais pas du tout qu'il avait été codeur et qu'il avait développé des jeux. Je pensais juste qu'il était PDG. Mais je le connaissais surtout des vidéos qu'il faisait... Des Nintendo Direct. Voilà. Mais c'est surtout pour ça qu'il a été élu meilleur dirigeant de 2007-2008. Parce qu'il avait une vraie approche, et c'est pour ça d'ailleurs, il y a plein de gens qui disaient, c'est quand même un patron d'une multinationale milliardaire du jeu vidéo, qui tourne en dérision sa situation, c'est quand même le président. Mais il va comment se déguiser en Luigi, il va comment, là, le Muppet par exemple, au dernier E3, il va vraiment se mettre en dérision. Et je trouve que c'est l'esprit Nintendo, c'est pas du tout comme les grandes firmes du jeu vidéo, ils sont là pour égayer la vie de tous les jours, et c'est pas un champion. Ils sont là à côté, ils sont un peu à part, en disant voilà, nous on veut faire du jeu vidéo, pas forcément pour se faire de l'argent, on veut faire du beau jeu vidéo pour... Pas forcément pour se faire de l'argent, faut pas exagérer non plus. Hein. Mais évidemment, c'est pareil, c'est comme quand on dit ouais, tu veux devenir chanteur, mais les chanteurs ils prennent de l'argent et tout, il fait ouais, mais faut bien vivre, et c'est la même chose pour Nintendo, c'est sûr que les actionnaires derrière ont râlé, notamment non, mais avec les applications. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus un développeur indépendant, c'est un mec, enfin, c'est un groupe qui a une vision différente des deux principaux, qui se tirent dans les pattes en sortant les mêmes trucs. Bien sûr. Mais c'est pas non plus un développeur indépendant qui va crever si un jeu marche pas, quoi. Mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ils ont quand même une vision, disons que c'est pas la quête à l'argent non plus, comparé à d'autres firmes qui sont vraiment là pour par exemple des grandes firmes nationales françaises rachètent des studios de jeux vidéo, juste notamment Activision, hein, je le rappelle, qui a été racheté par un groupe français, qui sont là vraiment que pour faire de l'argent derrière, alors que Nintendo c'est pas vraiment l'idée, il y a juste les actionnaires qui poussaient derrière. Eux, ils faisaient la course à la créativité. C'est vrai que tu regardes les jeux Nintendo, mais c'est à chaque fois ils ont été copiés. Super Smash Bros ont été copiés chez Sony et chez Microsoft. Pareil pour la Wii, hein, le motion gaming a été piqué à Nintendo, même si ce sont des petits effets. Par exemple, le tactile de la Nintendo DS, Bon, ça a marché un petit peu. Maintenant, le tactile de la Nintendo DS, on s'en fiche un peu, sachant qu'il y a les smartphones. Ils ont toujours recréé pour relancer un peu le système de jeux vidéo, et c'est grâce à eux, aujourd'hui d'ailleurs, c'est grâce à Nintendo, qu'il y a un monde du jeu vidéo, car c'est eux qui ont créé la première vraie console de salon, et sans eux, ben, il y aurait pas de personne pour, enfin, de console pour profiter de ces jeux-là. Alors, je pense qu'on aura compris que Valentin apprécie particulièrement Nintendo. Eh ben, d'ailleurs, super transition qui arrive, regardez ça. Et d'ailleurs, Valentin, Fabien, tu continues dans la lancée de Nintendo avec la musique que tu as choisie. Super transition. Mais bravo Bilou. Merci. Donc je voulais vous faire écouter aujourd'hui une musique issue d'un Zelda, plus particulièrement Link's Awakening sur Game Boy, qui est un excellent jeu qui était sorti dans les années 90 et qui est remixé par un artiste sur YouTube qui s'appelle The Second Narrator, qui ne s'est pas contenté de faire un seul remix de Link's Awakening. Non, il est tellement fan qu'il en a fait un album complet qui reprend absolument toutes les mélodies qu'on peut entendre dans le jeu. Et la mélodie en question, c'est un remix du quatrième donjon qui s'appelle L'Abîme du Poisson, si je me trompe pas, et qui est un morceau à la base très minimaliste, puisque c'est une boucle de 30 secondes avec très très peu de variations. Et donc pour l'anecdote, il s'est inspiré d'une pièce classique de Franz Liszt qui s'appelle Les Jeux d'eau de la Villa d'Est, qui est une pièce de piano très sympa, que je vous invite également à écouter si le remix vous plaît. Donc j'espère que vous apprécierez, en tout cas moi c'est vraiment un truc que je m'écoute quasiment tout le temps en ce moment. Voilà, donc c'était L'Abîme du Poisson par The Second Narrator. Merci Fabien, et d'ailleurs je te passe la main pour la prochaine partie. Partie, c'est ça le mot que je cherchais, voilà. Alors c'est parti. Donc, dans cette seconde partie, nous allons voir une chronique de Lucie sur, je crois, une émission sur France Inter. Donc nous sommes actuellement une émission de radio qui parle d'une autre émission de radio. C'est trop méta. Inception, nous avons tous reconnu la musique d'Hans Zimmer interprétée à la bouche par Valentin. On interprète très bien à la bouche, Valentin. Puis Bilou nous choisira une musique très sympa provenant d'un jeu que je ne connais absolument pas, où on joue le rôle d'un dictateur, visiblement. Mais en attendant, nous allons commencer tranquillement, en douceur, par une page de pub. Je me suis laissé aller ces derniers temps, tu trouves pas? Mais non, t'inquiète. Bah, faudrait quand même que je commence un régime, non? Doigt Express. Doigt Express? Tu connais pas Doigt Express? C'est le nouveau régime à la mode, les plus grandes stars hollywoodiennes l'utilisent. Nicole Kidman, Sharon Stone, Danny DeVito. Waouh, Danny DeVito? Pour seulement 15,99€ sur doigtexpress.fr, tu reçois une paire de doigts à te mettre dans la bouche après chaque repas. Waouh, trop cool. J'espère que ça va marcher. Je croise les doigts. Arrêtez les régimes, commencez Doigt Express. Vous êtes africain, c'est l'été et vous rêvez de vacances et de sensations fortes? N'hésitez plus, choisissez Eurovacances. Pour seulement 5 000 € en liquide, nous vous offrons une croisière de rêve sur la Méditerranée. Vous découvrirez les charmes de la vie en groupe sur nos Zodiacs Dernier Cri. Vous aurez peut-être même la surprise de vous essayer à la plongée sous-marine. Sans oublier l'accueil chaleureux des autochtones européens qui sauront prendre soin de vous dans de charmants hôtels prévus à cet effet. Eurovacances, créateur de sensations mortes. Fortes, fortes, fortes, fortes. Dans les bureaux de Marvel. Bon, j'ai vu un premier montage de notre prochain film. Il est pas mal, mais il manque quelque chose. Des idées ? Johnson. Bah, je pensais qu'on pouvait montrer plus de scènes où le héros utilise ses pouvoirs. Ok, donc Johnson, t'es viré. Quelqu'un d'autre, Shepard. On pourrait montrer un peu le passé du méchant pour comprendre comment il en est arrivé là. Voilà, donc Shepard, donc toi aussi c'est de la merde, viré. Hop, Smith. Ben, je trouve qu'il n'y a pas assez de romance. Ah, voilà une idée originale. Bravo, Smith. Marvel, pourvoyeur de romances inutiles depuis 1812. Voilà, c'était donc une petite page de publicité, car il faut bien vivre. Tout de suite, nous allons passer à la chronique de Lucie. Eh oui, c'est mon tour. Ouais. Et du coup, oui, effectivement, je vais je vais m'amuser à parler d'une émission de radio dans une émission de radio, même si on passe pas à la radio. Donc... Bah... Peut-on vraiment parler d'une émission de radio dans notre cas? Je ne sais pas. Vous savez peut-être que pendant l'été, c'est l'occasion pour certaines radios du service public, comme par exemple France Inter, de faire ce qu'on appelle une grille d'été, c'est-à-dire de proposer des programmes qui ne passent que l'été, et même des fois que pendant un seul mois, avec des émissions un petit peu originales. Alors des fois il y a du bon, des fois il y a du beaucoup moins bon. Mais il se trouve que cette année, là, pour le mois de juillet, je suis tombée sur une émission qui était donc diffusée. Alors je dis « était » parce que c'était déjà la dernière ce week-end, puisqu'elle était diffusée uniquement pendant les samedis du mois de juillet. Donc cette émission, elle était à 9h, et en fait, elle était présentée par Juliette. Alors je sais pas si vous connaissez Juliette. Oui, oui. J'adore cette chanteuse. Ouais, je connais. Voilà, parfait. J'adore. On est en terrain connu. Donc je vais replacer Juliette pour ceux qui la connaissent pas, donc qui est auteur, compositeur, interprète française, qui de son vrai nom s'appelle Juliette Nourdine. Et que j'ai personnellement découvert quand j'étais petite. En fait, c'est mes parents qui me l'ont fait découvrir, tout simplement parce qu'en 98, dans son album Assassin sans couteau, elle a sorti une chanson qui s'appelait Lucie, avec un Y. Donc évidemment, mes parents me l'ont fait écouter. Et en fait, c'était une chanson qui était très très drôle, puisqu'elle parle de sa fille Lucie, mais en évoquant en fait l'australopithèque qui lui donne bien du souci, puisqu'elle se conduit étrangement en marchant sur deux jambes, enfin sur deux pattes au lieu de quatre pattes. Voilà. Et donc cette chanson me faisait exploser de rire quand j'étais petite. Et c'est comme ça que j'ai découvert Juliette. Alors je regrette parce que finalement je connais assez peu les autres chansons qu'elle a faites. J'en connais quelques-unes, mais dans l'ensemble de ses albums, j'en connais pas tant que ça. Alors que c'est juste complètement ma came, parce que en chanson française, j'avoue que j'ai une petite préférence pour justement, quand on comprend le texte, de pouvoir avoir des textes bien écrits et avec beaucoup d'humour, ce que Juliette fait très bien. Et du coup, pendant le mois de juillet, Inter lui a confié donc cette émission à 9h qui s'appelait « Je n'aime pas la chanson ». ce qui est très drôle justement pour une chanteuse, hein, c'était l'ironie de la chose, et dans laquelle elle parlait un petit peu de tout ce qu'elle voulait finalement. Elle était très libre, je crois même que les émissions, si j'ai bien compris, étaient enregistrées, n'étaient pas forcément en direct, mais enregistrées chez elle, puisqu'elle ne réside pas du tout à Paris. Et donc ces émissions, dans ces émissions, par thématique, elle parlait de chansons, contrairement à ce que le titre pouvait indiquer. Et il se trouve que j'ai pu écouter, en allant bosser, l'émission donc de samedi dernier, donc du 18 juillet, qui était consacrée aux écrans en général, donc que ça soit cinéma, télévision et jeux vidéo, parce qu'il se trouve que Juliette est une grosse fan de jeux vidéo. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu découvrir, en tout cas Fabien et moi, il y a quelques mois, parce qu'il y avait eu, justement, elle avait déjà fait une chronique sur France Inter pour dire à quel point elle adorait les jeux vidéo et qu'elle aimerait bien que ça soit un petit peu réhabilité. Et elle joue à beaucoup de jeux différents, mais je crois que c'est principalement une adepte des MMO. Et dans cette émission... Elle avait parlé de Skyrim dans cette chronique-là, elle avait fait pas mal de références à Skyrim dans la chronique dont tu parles. Voilà, tout à fait. Et du coup, elle a profité de cette émission justement pour passer un petit peu des musiques qu'on n'entend jamais sur France Inter, pour le coup. Notamment, tout à fait, une musique tirée de la bande originale de Skyrim. Également, la bande originale des films Sherlock Holmes, donc par Hans Zimmer. Et ainsi qu'une de ses propres chansons qu'elle a écrites dans son dernier album. En fait, c'est très drôle la façon dont elle le présentait, c'est-à-dire que elle expliquait que elle avait fait les chansons pour son album et puis que on lui demandait à tout prix de faire une dernière chanson pour conclure entre guillemets, et qu'à ce moment-là, elle était pas trop motivée parce qu'elle jouait beaucoup à un jeu qui s'appelle Neverwinter Night. Je ne sais pas si vous connaissez, du coup. Oui, il me semble, ouais, je connais. Pas du tout. Voilà, jeu de rôle sur PC. Et du coup, elle était tellement à fond sur le jeu qu'en fait, elle a écrit une chanson sur le jeu et sur le personnage qu'elle interprétait, etc. Et ce que j'ai d'autant plus apprécié dans cette émission, c'est non seulement le fait de passer justement des musiques qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre dans les médias traditionnels, mais surtout de clamer haut et fort que il fallait surtout pas faire de hiérarchie dans la culture et qu'on pouvait très bien, comme elle, aimer les grands classiques du cinéma et Lord of the Rings, enfin Le Seigneur des Anneaux ou encore le dernier Spider-Man, et qu'il y avait aucun mal à ça. Et j'ai trouvé que c'était tellement rafraîchissant d'avoir ce genre de discours, surtout sur une radio comme France Inter, qui peut vraiment passer parfois sur pour justement la représentante, avec peut-être Canal+, parce que ils partagent surtout depuis quelque temps un peu toujours les mêmes invités, les mêmes thématiques, qui peut vraiment être perçue comme la représentante de la culture dite pas forcément d'élite, quoique, mais surtout la culture que tout le monde est censé avoir. Et la plupart du temps, les émissions d'Inter, c'est on va rigoler des gens qui sont à fond sur les jeux vidéo, ou qui aiment tel type de cinéma, ou qui critiquent Godard, ou ce genre de choses. C'était sur France Inter, non, le mec qui avait critiqué Durandal, non? C'était pas sur France Inter? Non, c'était France Culture. Ouais, c'était France Culture. C'est la même boîte. Voilà. C'était gratiné. Hein, voilà. Donc là, France Culture, n'en parlons même pas. Disons que France Inter, voilà, en général, on retrouve d'une année sur l'autre les mêmes personnes qui viennent faire leur promo pour le livre ou le film du moment. On va voilà mettre en avant tel ou tel type de culture et on va justement en général fortement dénigrer ou en tout cas regarder avec beaucoup d'ironie les gens qui voudraient parler ou évoquer d'autres choses, et c'est toujours quelque chose qui est extrêmement déplaisant. Et là, d'entendre Juliette justement parler du fait que c'était très important de ne pas faire de hiérarchie dans la culture, voilà, j'étais toute seule dans ma voiture, mais je lui ai crié une déclaration d'amour là, avec beaucoup d'effusion. Voilà. Merci. Alors, Juliette. Exactement. Alors c'est un peu dommage effectivement parce que du coup cette émission n'était valable que pour le mois de juillet, mais je vous invite fortement à podcaster les Je n'aime pas la chanson donc du mois de juillet qui sont disponibles sur le site internet de France Inter, histoire de réécouter un peu tout ça. Je pense que je vais le faire aussi d'ailleurs parce que malheureusement j'ai pu suivre que deux émissions sur l'ensemble. Mais en tout cas, voilà, c'était aussi, non seulement pour parler de Juliette, mais aussi sur l'importance d'entendre un petit peu parler d'autres références culturelles sur un média traditionnaliste. J'ai adoré une fois où elle était à France Inter, je sais plus qui l'interviewait, parce qu'elle était interviewée, la présentatrice qui était toute contente de dire « Alors, vous êtes une gameuse, entre guillemets, et vous scorez ?» C'est ça, hein, comme on dit. J'étais là. Ben non, pas vraiment, parce que moi je joue pas vraiment à des jeux où on doit faire du score. Je joue à voilà, League of Legends, je sais plus à quoi elle jouait. Mais t'avais la présentatrice qui était là. Ah oui, donc un jeu en ligne massivement multijoueur. Complètement sur son terrain de prédilection, la nana, c'était génial. C'est incroyable qu'encore aujourd'hui. Je regardais comment justement un truc justement sur France Inter, je crois, avec Nagui. Enfin, je sais pas si sur France Inter, mais justement, il y avait une journaliste qui expliquait le jeu vidéo ou je sais pas quoi, et Nagui qui se faisait de sa gueule alors qu'elle était très sérieuse en disant non, mais faites attention parce qu'elle savait que derrière il y avait des internautes qui allaient leur tomber sur la gueule vraiment violemment, qui voulaient donner vraiment son avis sur le jeu vidéo et tout. Puis Nagui se foutait de sa gueule un peu comme Decaune. Oui, ça devait être Nagui, je crois. Oui, c'était Nagui. Oui, parce qu'il y avait eu cette histoire de la nana à Canal+, là, qui avait dit des trucs un peu approximatifs sur PewDiePie. C'est ça. Mais c'est pas elle, bien encore. Fait, c'était bien fait lyncher par la communauté. Ouais, mais des fois, c'était même limite exagéré. Oui, non, mais ça, c'est le problème. Que... Ah, mais je suis d'accord. C'est ce que je voulais expliquer presque à tout le monde, c'est que arrêtez de vouloir casser la gueule à la télé. Ça sert à rien. Si vous voulez que les gens soient ouverts à votre culture et ne vous cassent pas justement la tête à la télé, ouvrez-vous aussi et expliquez pourquoi est-ce que ça c'est bien, pourquoi est-ce que ça sert à rien de se moquer, parce qu'au final c'est une vraie culture aussi. Voilà, je trouve qu'il y avait un trop grand élan de haineux en disant la télé c'est vraiment que des connards et tout. Mais c'est super important ce que tu dis, Valentin, parce que justement moi je veux prendre ça dans les deux sens, c'est-à-dire que on peut pas dire que j'ai une culture geek quelque part, dans le sens où déjà j'ai joué aux jeux vidéo pour la première fois quand j'avais 18 ans à peu près, j'ai pas du tout grandi avec ça, et j'ai beaucoup de choses que je connais de façon tardive, et c'est vrai que des fois, surtout avec la multiplication des émissions YouTube, etc., la culture geek entre guillemets, je mets des guillemets parce que c'est une appellation tellement voilà, ouais. C'est plus à exclure les gens plutôt qu'à vouloir les inclure, c'est-à-dire que exactement, voilà, on va se foutre de la gueule des gens qui d'une part au départ nous ont fait du mal aussi en se foutant de notre gueule, donc c'est un peu le problème, et, quoi. Et ouais, c'est exactement ça. Par exemple, des fois quand tu vas au TGS ou autre, tu remarques que les gens sont plus fermés qu'ouverts, en fait. C'est bizarre. Bon, il y a du free ex partout, c'est pas le problème, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un espèce d'enfermement. On est dans cette espèce de culture nouvelle et on est au-delà justement des gens qui peuvent pas la comprendre, et je trouve ça dommage. Et il y a énormément de personnes comme ça qui critiquent un peu tout et n'importe quoi, qui se disent nous c'est la nouvelle culture, personne ne nous comprend. Non, justement, on est une nouvelle culture, il faut s'ouvrir. Moi j'ai une culture geek parce que j'ai joué pendant toute mon enfance, mais j'ai aussi une culture télévisuelle. Non, puis ça va, nouvelle culture en 2015, c'est, oui, bon, c'est plus original du tout en 2015. Oui, oui. Et puis en plus, enfin, moi personnellement j'ai aussi une culture télévisuelle. Je regardais quand je rentrais à la maison, quand j'étais au collège, je regardais On ne demande qu'à en rire sur la 2, je regardais N'oubliez pas les paroles, je regardais Comment tout le monde veut prendre sa place, et je regarde toujours sur la 2 le midi. Pareil, là j'ai regardé le Tour de France sur la 2, je regarde Roland Garros. Ah, il regarde le Tour de France. Voilà. Non, mais enfin voilà, j'ai aussi une culture télévisuelle que j'ai envie de partager. C'est pas que j'aime pas la télé, bon, d'accord, ils sont peut-être un peu en retard sur certaines choses, mais c'est pas non plus sur eux qu'il faut taper. Mais déjà, mettre la télé dans son ensemble, c'est un peu con, parce que je sais pas, oui. c'est comme comparer Cyprien à Enjoy Phoenix, tu vois, c'est la même chose. Ouais, ouais. Ils sont sur le même média, mais ils font deux trucs en différents. En plus, voilà. Mais pareil, regarde, en reprenant comment la télé, là, je parle que des jeux, parce que c'est vrai que quand je préfère regarder des jeux de culturel et tout, trucs comme ça, c'est intéressant. Enfin, j'aime bien. Mais il y a aussi comment on n'est pas couché sur la 2 aussi le samedi soir, c'est hyper intéressant. Voilà, je trouve que la télé n'est pas non plus, il n'y a pas tout à jeter, il y a certaines réformes sûrement qu'il faut faire, mais changer un peu les mentalités, c'est clair, mais c'est pas non plus un truc où il faut tomber dessus en disant c'est vraiment que des connards. Puis en plus, je trouve ce qui est intéressant dans la culture, c'est justement de se la construire et justement de s'intégrer, ouais, à différents éléments. Moi j'ai le même problème souvent quand je me confronte au milieu universitaire, entre guillemets, c'est-à-dire quand je vais me retrouver par exemple en colloque, ou dans des trucs scientifiques entre guillemets, et du coup que je me retrouve avec des gens qui sont uniquement dans le milieu universitaire, et des fois j'ai vraiment entre guillemets le cul entre deux chaises comme on dit, c'est-à-dire que je me retrouve avec des gens qui sont très uniquement fondés sur la culture académique, etc. Et quand on est un peu entre les deux, ben on sait pas trop où se mettre, parce que on entend des gens qui vont vous dire oui, telle et telle référence, c'est ce qui est important, c'est ce qu'il faut connaître, etc. Et quand vous allez parler de vos propres références, si elles sont plus tirées de la culture populaire, ils vous regardent de haut. Alors que justement, le côté intéressant, c'est de mêler les deux. Après, ouais. les universitaires se disent « Oh, mais oui, mais les gens comprennent, nous soutiennent pas quand on dit qu'on n'a pas de moyens, etc. » Bah ouais, mais aussi, c'est parce que souvent, on reste entre nous et qu'on fait pas partager les choses aux gens et qu'on s'ouvre pas, quoi. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Très bien, bah c'était très intéressant et tout de suite nous allons passer sans transition à une musique de dictateur que Bilou va nous présenter. Alors voilà, c'est une musique de Tropico 2, un jeu auquel je n'ai absolument pas joué, mais que j'ai entendu grâce à un copain qui écoute d'ailleurs ce podcast, qui fait des playlists de musique de jeux vidéo. Par thématique, et il en avait fait une sur la thématique des pirates, et c'est dans cette playlist que j'ai entendu cette musique tirée de Tropico 2. Il y a un titre, il y a quelque chose, ou c'est C'est the Pirates of the Sea, at the Sea, les pirates de la mer, quoi. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que il y a une parole en français qui revient et ça bouge, et c'est franchement c'est super, elle dure 2 minutes, elle est vraiment très cool. Tu te réveilles avec ça, mais... C'est parti pour The Pirate at the Sea. Ah, ce sera pas la meilleure émission anglophone du monde, quoi. C'était donc Tropico 2, une musique entraînante et piratesque. C'est ça, ta verbe n'existe pas. Ça vaut arabesque, ça. Hein, oui. Une musique arabesque, bien sûr. Hein, c'est ce qui veut dire une musique orientalisante. C'est parce que c'est moi qui l'ai proposé que tu dis ça. On remercie Bilou, notre minorité, notre discrimination positive à nous. Bijoule. Merci Bilou. Tu peux retourner fabriquer ce que t'étais en train de fabriquer à la chaîne pour des entreprises françaises. Ça, c'est les petits c'est chinois. C'est les chinois, non les... Ah bon oui, c'est quoi les clichés sur les arabes alors? Voilà, merde, on est sur Raciste FM, j'avais oublié. Les abonnés absents, la radio du bon goût. Tu passes après, vous savez. Et de l'altruisme. Très bien. Évidemment. Du bon goût, mais pas de porc. Génial, super. Magnifique. Allez, on va en profiter pour passer les rênes à Valentin. C'est parti, à toi Valentin. Carte blanche à la blanche. Oh la va. Et maintenant, donc, nous allons parler dans cette oui. troisième partie. Nous allons avoir le journal de Bilou. Nous allons aussi avoir une musique de Lucie, mais je vous en dis pas plus. Vous verrez ce que c'est. Une chronique de Fabien sur une chaîne YouTube assez impressionnante. Mais avant tout, chers messieurs dames, nous allons faire un petit débat sur les incohérences au cinéma. Alors, cette discussion sur les incohérences, j'ai eu envie de la proposer parce que je sais, par exemple, que Bilou, également, tu regardes Cinema Sins, qui est une chaîne YouTube oui. spécialisée dans les incohérences, les problèmes de continuité, pas tellement les faux raccords, parce que faut aussi définir un petit peu ce qui est une incohérence dans un film. Je dirais que ça peut effectivement être faux raccord, erreur scénaristique. Quand j'ai proposé le sujet pour les internautes sur le hashtag aux abonnés absents FAQ, j'ai constaté qu'il y avait quand même pas mal de monde qui faisait un petit amalgame entre des incohérences et des problèmes de logique, c'est-à-dire un film de science-fiction. C'est pas cohérent. Je sens que tu penses à X-Men là. Bon, on va sans doute parler des films de voyage dans le temps, évidemment. Mais rien qu'un film, voilà. Allez, un film de fantôme, un film de science-fiction où il y a des vaisseaux spatiaux, des planètes avec des races extraterrestres, c'est pas incohérent. C'est-à-dire que c'est de l'anticipation, c'est de la science-fiction, etc. C'est de l'imaginaire. Les fantômes, c'est pareil, c'est pas incohérent. C'est voilà, c'est des règles qui sont établies dans un film. C'est-à-dire le film te dit dès le début, les fantômes existent, les extraterrestres existent, et ensuite le but c'est que le film reste cohérent sur les règles avec lui-même. Cohérent avec lui-même sur les règles qu'il a instaurées depuis le début. Et donc par exemple, je vais citer un exemple très simple qui est Retour vers le futur. Je m'en doutais. Voilà, un film de voyage dans le temps où on va avoir une pléthore d'incohérences, mais la plus importante étant dans le second volet, qui repose sur une incohérence phénoménale, puisque le jeune Marty McFly va partir dans le futur et on va découvrir une version de lui-même, vieux, père de famille, mais c'est un problème phénoménal dans le sens où il aurait dû arriver dans un futur où il avait disparu de la surface de la Terre pendant des années, puisqu'il est parti dans le futur. Donc il a disparu, et il ne peut pas arriver dans un futur où il existe. C'est... Et non, justement. Alors après, il y a des gens qui te rétorqueront que ça crée une nouvelle timeline, voilà. Etc. Voilà, sauf ça que... Ça crée un nouvel univers qui va, du coup... Voilà, et on peut essayer d'emboîter, d'imbriquer des solutions de ce genre. Le problème, c'est que ça reste complètement incohérent par rapport aux règles précédemment établies par le film, qui stipule que si tu remontes le temps, tu vas modifier un avenir et il n'y aura qu'une seule courbe du temps. C'est-à-dire que si tu vas dans le passé et que tu changes quelque chose, tu ne vas pas revenir dans une réalité nouvelle, tu vas arriver dans ton présent mais changé. La preuve étant que quand Marty revient dans le passé, change des choses et revient dans un présent qui est différent, mais il croise pas son double, parce que normalement il devrait arriver dans une réalité ouais, mais... où il est déjà présent, donc il devrait tuer son clone et prendre sa place. Sauf que là, non, mais... quand il revient... Oh, j'ai envie de voir ça. J'adorerais aussi, mais Retour vers le futur 4, a priori, ne devrait jamais voir le jour. Donc tu vois, le problème, donc là, je pense que vous comprenez bien le principe de l'incohérence, de la continuité, c'est que le film instaure une règle qui ensuite ne va pas suivre, la changer. Pour le coup, ah ouais, où va la changer, ouais. Parce que pour le coup, dans le Retour vers le futur 2 aussi, quand il revient dans le passé après avoir été venu dans le futur, il va dans une autre timeline. Et là, il le dit, le doc. Voilà. Et il explique bien que c'est une timeline différente. Cependant, dans cette timeline différente, il laisse sa petite amie Jennifer, qui a priori est partie de la réalité A, hein, c'est-à-dire qu'ils sont dans la réalité A de 85, le présent pour eux, ils partent et ils laissent cette Jennifer dans la réalité B. Et pourtant, à la fin de l'histoire, quand il revient dans la réalité qui est redevenue la réalité A, eh ben Jennifer est toujours là. La Jennifer de la réalité A est revenue, alors qu'elle devrait être prisonnière de la réalité B. Donc on est, tu vois que le film est totalement incohérent. Et par rapport aux règles. Ouais, mais je sais pas, on s'en fout un peu quand on le voit le film. Mais bah, c'est toute la question justement. Est-ce que c'est problématique pour apprécier le film que le film ne respecte pas ses propres règles ou pas? Ben en fait le truc dans Retour vers le futur, c'est que le ton qu'utilise Robert Zemeckis est un ton léger. On le retrouve d'ailleurs dans tous ses films. C'est un ton, il prend des thèmes très durs, parce que prendre comme thème le voyage dans le temps, c'est un des thèmes les plus compliqués à utiliser. Beaucoup se sont cassés les dents dessus d'ailleurs. Mais c'est un ton léger, du coup, on n'a pas envie de s'y prendre au sérieux, comparé à des films qui se veulent, eux, un petit peu réels, entre guillemets, qui se veulent pas réalité, mais voilà, oui, plus qui premier degré, dur. Voilà, comme Interstellar par exemple, qui du coup en fait amène la fin, amène justement une cassure qui te laisse perplexe. Enfin bref, je parlerai d'Interstellar après. Mais dans Retour vers le futur, c'est que sachant que c'est un ton léger et qu'en plus le spectateur est un peu dans le rhum de Marty McFly, parce que Marty il comprend pas vraiment et le spectateur non plus, parce que le doc il arrête pas de parler, il dit mais c'est comme ça. Donc du coup le spectateur comprend à peu près ce qui se passe, et c'est un ton, pas un ton dur, où ils expliquent vraiment très précisément ça veut dire ça. Le doc, tu vois que c'est une science, disons, pas une science pure et dure, c'est une science je sais pas comment expliquer, c'est pas hyper ardu, hyper compliqué. Le doc essaye justement de vulgariser ça, et sachant que ça le vulgarise, le spectateur ça donne un ton léger. Je sais pas vraiment comment l'expliquer. Je pense que c'est il y a une part ça, et puis je pense aussi que on l'accepte les incohérences à partir du moment où ça ne nous rend pas les personnages soit avec une personnalité de schizophrène, c'est-à-dire que ça rend pas logique leur comportement, ou alors que ça en fait des comportements de confinés entre guillemets, comme on peut en voir des fois. Moi je pense que vraiment ce qui gêne, ça gêne pas forcément dans Retour vers le futur, parce que comme tu dis, il y a ce ton léger, puis c'est surtout que ça ne modifie pas autre mesure la personnalité des personnages, et puis qu'on s'attache, qu'on suit, etc. Mais il y a des films. Je pense par exemple à Superman, le dernier. Man of Steel, voilà, Man of Steel, où les incohérences, pour le coup, elles te coupent complètement du film, parce que tu te dis, mais ce que font les personnages n'a aucune logique, et c'est tellement débile. Parce que c'est de la merde. Que tu comprends pas. Merci, quoi. Bilou. Enfin, le personnage du méchant qui veut terraformer la Terre et tout, alors qu'en fait l'atmosphère de la Terre le rendrait encore plus puissant. Je veux dire, ça n'a absolument aucune logique, quoi. Et du coup, quand c'est des trucs aussi énormes que ça, et que t'as l'impression que les personnages n'ont juste pas de cerveau, ou alors qu'ils ont été très mal écrits, c'est-à-dire que le mec il a pas réfléchi deux secondes à qui est mon personnage, quelle est son histoire et quelle est sa volonté, tu vois, bah là ça pose vraiment problème. Man of Steel, qui effectivement est un film, alors par rapport à ce que tu disais Valentin, est un film très premier degré, voilà, qui se prend aussi, quand même vachement au sérieux. Il y a de l'humour, je veux dire, dans Man of Steel, il y en a très peu. C'est scénarisé par l'équipe Nolan, hein, c'est-à-dire les deux frangins Nolan, qui sont des gens visiblement très, on va dire, j'oserais dire terre à terre quand même, parce qu'ils ont ils ont quand même traité de Batman comme d'un anti-terroriste, quoi. C'est-à-dire il a pas un costume, il a une armure, il a pas une Batmobile, il a un tank. Et la ville de Gotham City n'a rien de gothique comme c'était représenté dans certains comics et dans les anciennes versions de... Ouais. Et d'ailleurs, ça fonctionne. Le Batman de Nolan fonctionne vachement bien. Mais le troisième, je crois qu'il est peut-être moins bon, parce qu'il est... Ah, c'est vrai quand même qu'il a des incohérences, notamment le fait qu'ils envoient tous les flics dans le sous-sol... Oui, la ville, par exemple. C'est tellement débile comme scène, et du coup ils sont tous prisonniers, et Gotham est aux prises des vilains terroristes qui, pareil, vont, pour des prétextes assez flous, garder la ville en quarantaine pendant des mois. Tout ça pour que Batman puisse se refaire une santé dans son trou. Et d'ailleurs, je vais enchaîner. Ah, ça y est, ça me revient. Et Batman, qui s'était pété les côtes et qui finalement sort de son trou en je sais plus quoi, dans un pays à des milliers de kilomètres de Gotham. C'est pas pété les côtes, hein. C'est pété le dos carrément, hein, il me semble. Ouais, bah je sais pas ce qui s'est pété, mais genre je pensais qu'il remarcherait plus jamais. Et le gars, il se refait une santé pendant quelques mois. Il sort de son trou dans un pays, mais... à des milliers de kilomètres de Gotham City, et je crois qu'il rejoint la ville en deux jours, alors qu'il a pas ouais, une thune. C'est ça. Il a pas une thune sur lui, il a pas de papier, il aurait dû bosser pendant des mois dans un McDo en Afghanistan pour essayer d'avoir assez pour se payer un billet. Donc finalement là on est sur des incohérences qui rendent le film mauvais. Ouais, mais tu regardes comment Batman par exemple, là je peux très bien te dire comment Batman avec le mec qui s'occupe là joué par je me souviens plus de son nom, de Freeman, Morgan Freeman qui a tous ses objets sur place sur Gotham, il peut très bien trouver un truc pour appeler justement ce gars-là qui va lui envoyer l'hélico ou le machin pour revenir. Ça, pour le coup, c'est pas expliqué, mais on peut très bien comprendre que Batman, de toute façon, il est tellement badass qu'il peut le faire. Par contre, le truc qui se remette en quelques mois debout avec un dos cassé, là, je suis d'accord, ça, c'est très léger, et ça fonctionne pas, d'ailleurs. Pareil pour cette espèce de retournement de situation avec Marion Cotillard et Bane. Je trouve que Bane avait vraiment un vrai truc, et je sais pas, du moment où il y a Marion Cotillard qui se ramène avec justement ce côté méchant et tout, ça fonctionne plus. C'est vraiment dommage en fait. L'isolement aurait pu être vachement bien travaillé, ça aurait pu vraiment donner un aspect. Et en fait, c'est à ce moment-là où ça casse quoi, vers le milieu, un peu après le milieu du film. Il y a un truc qui se passe, ça casse le truc. Ouais, c'est qu'on n'est plus tellement sur des incohérences, mais sur des clichés, puisqu'on a le ouais, traître, en plus. Le oui. cliché du traître. Et en fait, j'étais méchant depuis le début. Mais là, je crois que ça dérive un peu, parce que on n'est pas en train de parler justement des clichés d'un scénario ou des choses qui, de toute façon, dans le cinéma, sont raccourcies pour gagner du temps, genre voilà la guérison de quelqu'un, etc. On parlait vraiment d'un film qui va instaurer un univers avec des règles et qui ne respecte pas ces règles-là, et que quand ça les respecte pas, mais que ça ne change pas entre guillemets les personnages ou la logique, ça pose problème. Mais à partir du moment où ça leur fait vraiment avoir des comportements incohérents par rapport à eux-mêmes et par rapport à la façon dont ils sont présentés, c'est là que ça pose problème. Oui. Alors par exemple, est-ce que tu aurais un exemple Bilou d'un film? Alors il y a un film que je ne déteste pas, de toute façon on en a déjà parlé 100 fois toi et moi, c'est X-Men Days of the Future Past. Oui. Que je ne déteste pas, mais dont ce qui est pour moi une incohérence me gâche le film, c'est le principe du retour dans le passé qui n'affecte pas le futur. On avait eu une conversation où tu m'expliquais que le fait qu'elle reste en contact, Ellen Page, avec Wolverine, ouais. Voilà, fait que ça n'altère pas le futur. Voilà, tant qu'il y avait cette connexion, c'est un film voilà. qui, comme là on a une incohérence, enfin ce que tu donc analyses comme une incohérence, et comme Valentin vient de le faire pour Batman, c'est-à-dire va la justifier, va trouver des idées qui sont pas forcément montrées dans le film, mais qui explique tout et font que ces incohérences deviennent finalement cohérentes. Et mais ça justement c'est de l'appréciation de chacun, parce que toi tu trouves ça cohérent, mais moi je trouve ça totalement incohérent quand même après les fameuses explications, tu vois. Bah, je veux pas le certifier à 100%, mais il me semble que si je me trompe pas, très clairement c'est expliqué avant qu'elle le fasse, hein, avant qu'elle lance ce voyage dans le temps, hein, c'est-à-dire qu'on a Ellen Page qui doit rester au-dessus de Wolverine, enfin au-dessus de Hugh Jackman, vu que j'ai dit les vrais noms, avec les mains tendues pour projeter son esprit dans son corps d'il y a quelques décennies en arrière, dans les années 70 je crois, et elle explique, me semble-t-il, hein, je regarderai à nouveau le film parce que je l'ai vu qu'une fois au cinéma, que tant que la connexion est établie, hein, elle reste toujours tout le long du film au-dessus de lui, tant que cette connexion est établie, le passé n'influencera pas leur futur. Et on voit bien que c'est à la fin, lorsqu'elle retire ses mains et que les méchants viennent pour tuer tout le monde, que tout le monde disparaît et que cette réalité prend enfin conscience de et va enfin être affectée par les modifications du passé. Si tu veux, je comprends ça, tu vois, je comprends. Mais alors, ce qui est incohérent, c'est au niveau de la timeline. Donc, ça voudrait dire que quand elle le renvoie dans le passé, dans son corps, il crée une timeline aléatoire qui se recolle à la vraie timeline qu'au moment où elle le lâche. Oui, il faut qu'elle le lâche pour que ça prenne effet. Ça crée une timeline parallèle qui ne sera effective que lorsqu'elle le lâche. Voilà, les règles du jeu sont établies clairement, me semble-t-il. Alors, je veux pas dire une connerie, mais je suis assez persuadé que c'est moi qui n'accepte pas la règle du jeu, je sais pas, mais en le voyant ça, tu vois, tout le long du film, ça me sortait un peu du film à cause de ça. Ça dépasse l'entendement. Moi je trouve que sachant que c'est l'univers Marvel et qu'il y a énormément de trucs comme ça un peu what the fuck, moi je trouve que justement, je l'ai pas vu le film, mais ça accroche comment dans l'univers, c'est-à-dire qu'ils expliquent d'une certaine manière comment ça se passe, ils disent bon ben c'est comme ça. Il y a pas forcément comment de rupture comment dans le thème dans l'esprit du film. Quand par exemple à Interstellar, et là je viens vraiment sur Interstellar, c'est que tout le long du film, il te donne donc un aspect hyper sérieux en te donnant des trucs qui peuvent être vraiment plus que plausibles, vraiment t'as un truc sérieux devant toi. Tu te dis voilà, bon c'est hyper intéressant, en plus c'est un film, tu vois, t'es pris dans le truc, sauf qu'à la fin, quand justement il y a la fille, la Hathaway qui part sur la planète et l'autre qui se barre et qui vont vers le trou noir, là ça part en what the fuck. Mais pardon, excuse-moi. C'est pas grave, spoiler. Bref, et quand ça arrive à cet endroit-là, tous les trucs plausibles et donc tout l'esprit du film qui est quand même campé sur ce truc-là, sur le truc sérieux, tout l'esprit du film disparaît. Et là tu te rends compte de quand on regardait un truc un peu what the fuck, alors que tout le reste du film est plutôt dans le sérieux. C'est pas que t'es déçu, parce que bon, il faut terminer le scénario, mais ça aurait pu terminer autrement aussi, enfin bref, il faut terminer l'histoire d'une certaine manière, mais là je trouve que l'idée qu'il a eue est nulle. Ça casse le rythme de l'esprit sérieux de la science qu'il y a derrière, etc. Et ça casse cet esprit-là, et ça casse l'univers. Alors moi j'ai un avis très précis là-dessus, mais si je peux vous laisser Bilou ou Lucie parler un petit peu de ça. En fait, moi, j'allais pas forcément rebondir sur Interstellar, mais plutôt du coup cette fois-ci prendre le problème dans l'autre sens, parce que là, du coup, on voit à chaque fois comment les incohérences à l'intérieur d'un film peuvent poser problème pour l'apprécier. Mais on voit justement, parce que vous partiez au départ de CinemaSins, on voit aussi comment on peut tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire que, surtout maintenant avec les vidéos YouTube, où c'est très très à la mode de justement de trouver, ou le dieu connard par exemple, sur son blog, de montrer toutes les incohérences, les petits défauts d'un film, comme ça peut être aussi carrément une façon de penser qui du coup, à force de lire et de voir des choses comme ça, est très imprégnée en nous, et que justement, quelque part, est-ce que ça nous empêche pas d'apprécier des films aussi pour ce qu'ils sont, juste parce qu'on passera son temps à réfléchir à la logique et aux incohérences de la chose. Moi, ton idée, je suis pas quelqu'un justement qui va regarder ou qui va lire ce genre de truc sur la qualité du film ou autre. Je suis je suis pas plus intéressé que ça. Et j'aime apprécier un film pour ce qu'il est, même si j'en bouffe pas énormément de films, j'apprécie un film. Quand je suis allé voir Interstellar, je m'attendais pas du tout à voir ce genre de film, hein. Je m'étais très peu renseigné, enfin bref. Et du coup, je suis pas d'accord sur toi en disant qu'on a un aspect d'analyse sur le film. Parce que quand un film te plaît, t'as beau lui trouver des défauts, tu l'aimes bien quand même. Et je trouve que une incohérence, même que tu sois aguerri dans le sens à regarder, par exemple, les faux raccords, regarder justement les incohérences dans les scénarios, etc. Même quand t'es aguerri, ou quand t'es pas aguerri, tu vois qu'il y a un poids qui est important, qui va gâcher le film, tu le vois. Même si t'es aguerri, même si t'es un professionnel de ça, ou justement même si t'en es pas un, tu vois qu'il y a un poids là-dedans, et tu sens que ça fait basculer le film. Alors que dans, par exemple, en reprenant Retour vers le futur, il y a ça, en analysant, tu vois qu'il y a ça, mais ça ne joue pas sur le film. Parce que ça passe, il y a un truc qui se passe. Oui, je pourrais pas l'expliquer. Mais après, je pense que tu sous-estimes un peu la façon dont on peut se formater l'esprit des fois, et que c'est complètement inconscient. Je parlais aussi du fait qu'on voit ça beaucoup sur les commentaires internet, surtout entre cinéphiles, entre guillemets, enfin les gens qui vont beaucoup parler de films, etc., qui vont commencer par descendre un film parce qu'il est pas cohérent. Et parce que ils ont oui mais à tel passage à ceci, et qu'ils l'ont décortiqué et qu'ils l'ont vu en le décortiquant, et que quelque part, peut-être plusieurs années en arrière ou peut-être dans un autre contexte, s'ils n'avaient pas l'habitude de réfléchir les films de cette façon-là, il l'aurait perçu complètement différemment. Je pense que ça fait aussi partie, entre guillemets, de la culture internet, de réfléchir le support qu'on va regarder aussi par rapport à ça, en le détaillant, en réfléchissant à la logique, en pinaillant, entre guillemets, sur le moindre détail. Et tu peux avoir des forums entiers et des discussions enflammées dans les commentaires YouTube sur des gens qui vont s'engueuler sur... Voilà, sur ce genre de choses, quoi. Comme on est en train de le faire, hein, d'ailleurs, sur Interstellar ou X-Men, bien sûr. Mais en gros, moi, je pense qu'on peut résumer ça sous le coup de la magie qui opère ou non, finalement. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais je rajouterai quelques trucs après. Là, je vais vous lire donc un petit commentaire de Emixam Pierre, un de nos abonnés absents, qui a donc réagi avec le hashtag aux abonnés absents FAQ et qui nous dit par rapport aux incohérences. Alors, un film doit-il éviter à tout prix les incohérences? Je ne pense pas. En tout cas, ça dépend de ce qu'on entend par incohérence. En effet, le film qui a pour but de raconter une histoire, ça doit faire voyager, rêver. Un film, ça doit permettre d'aller au-delà des contraintes physiques scientifiques, bref, se détacher un instant de la réalité. Il peut donc se permettre d'être incohérent par rapport à la réalité. Mais c'est vrai que c'est mieux si le film semble probable, si le film semble probable. Mais en bref, il ne faut pas confondre film de divertissement et film documentaire. Donc on est sur ce qu'on disait, bon, même s'il y a un petit amalgame, je dirais, entre le fait qu'un film de science-fiction soit proprement incohérent parce qu'on ne peut pas encore voyager dans l'espace, ou qu'un film de fantôme est incohérent parce que les fantômes n'existent pas, ce qui est on peut voyager jusqu'à dans l'espace. Hein. Ouais, mais c'est agréable d'avoir quelque chose de scientifique derrière. Voilà. Et du coup, on est sur un espèce on est sur un commentaire qui nous dit, en gros, d'un côté il y a les documentaires, et les documentaires doivent pas être incohérents, et les films de divertissement, en fait, il faut qu'on s'en branle, parce que le but c'est que le film il nous fasse voyager, rêver, etc. Donc Interstellar, quand il nous propose à la fin quelque chose qui n'est pas scientifique, en tout cas, je pourrais essayer d'argumenter en quoi c'est scientifique quand même, mais enfin que c'est pas de la magie, tu vois, c'est pas juste de la magie. Bien sûr. Mais on a une fin, sans spoiler Interstellar, en gros la fin est plus magique que scientifique, hein, ce qui toi t'as détaché un petit peu du reste de la narration. Mais en fait le truc, c'est vrai que c'est plus magique, et peut-être que sur le moment, parce que j'ai réfléchi depuis, mais peut-être que sur le moment aussi je trouvais ça, ah ouais, c'est pas con de penser comme ça, mais je sais pas, il y a un truc qui fait qu'ils ont utilisé un ton pendant tout le film et qu'ils ne l'utilisent plus après. Justement, tu vois, ça devient extra naturel. Donc c'est trop trop inattendu, quoi, comme. C'est exactement ça. Ils ont posé un ton et ils brisent ce ton après, ce qui est pas le cas dans le Star Wars ou dans le Seigneur des Anneaux, par exemple. Ils vont pas dire à un moment, par exemple dans le Hobbit, ce qui fonctionne pas, tiens. Ce qui fonctionne pas dans le Hobbit, c'est qu'il donne un ton de conte au début, puis d'un coup, il devient un truc épique. Et ça fonctionne pas, c'est le même exemple. Et est-ce que Bilou est toujours avec nous? Ah oui, je suis avec vous, je vous écoute. Tu n'avais pas de réaction sur Interstellar? Bon, si, Interstellar, dès le moment où ils vont sur une planète où le temps ne passe pas de la même manière, de façon, enfin, si on est sur la planète ou non, il y a quand même une explication scientifique derrière, mais du coup le fait que ce soit quand même improbable me valide dans ma tête la fin, quoi. La fin, elle est pareille, elle est improbable, même si on peut trouver un charabia scientifique pour expliquer ça, elle est improbable, mais ça me dérange pas vu que au milieu du film il y avait déjà quelque chose qui était improbable mais justifiable avec un charabia scientifique aussi. Donc pour les incohérences scientifiques, on a fait à peu près le tour, mais j'aurais voulu qu'on revienne brièvement sur les incohérences du coup, je vais citer encore un de nos abonnés absents, Nicolas Gamard, qui nous cite une incohérence très anecdotique, je dirais, qui a remarqué que dans le premier Spider-Man de Sam Raimi, il est fait mention du personnage de Eddie Brock, qui en tant qu'Easter egg, hein, c'est-à-dire que il est cité comme ayant pris une photo de Spider-Man, mais on ne le voit pas, hein, il est juste cité. Et c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était sans doute une sorte de petit caméo pour les fans. Puis dans l'épisode 3, le troisième volet de Sam Raimi, donc toujours avec Tobey Maguire, cette fois le personnage d'Eddie Brock est présent. Mais il est introduit comme étant un personnage nouveau qui travaille pour la première fois dans le Daily Bugle. C'est très anecdotique, ouais. C'est très minime, et pourtant c'est une erreur de continuité scénaristique entre trois œuvres qui sont faites par le même réalisateur et qui ont la même chronologie, qui sont dans le même univers, puisqu'on n'est pas sur le Amazing Spider-Man qui a été fait récemment, ni sur le prochain reboot qui est déjà prévu. Et donc là, on est vraiment sur une sur du pinaillage, on va dire. Enfin, je ne dis pas ça pour Nicolas Gamard, mais je prends à nouveau l'exemple de Cinémascine, qui donc est une chaîne, on l'a pas présenté, mais c'est une chaîne YouTube américaine dans laquelle le narrateur va prendre le film de manière chronologique, enfin linéaire, et va démonter un par un tous les éléments qui lui paraissent être des sins, c'est-à-dire des péchés, des problèmes. Donc soit des... C'est surtout très subjectif, hein, comme vidéo. Alors, on est dans la subjectivité, évidemment, parce que... Parce que c'est avant tout, le but, c'est de faire rire. Hein, voilà. Donc, quelque part, il y a quand même de la subjectivité. Davantage que d'être une encyclopédie à faux raccords et à erreurs scénaristiques, c'est avant tout une invitation à réfléchir un peu sur le média cinéma, la scénarisation, et rigoler, parce qu'il y a des blagues, il y a des running gags sur certains clichés qui reviennent souvent. Mais on est... Pareil à l'image de ce que peut représenter le nostalgia critique, qui est encore une personne qui va démontrer que dans un film, de manière linéaire, il y a plein de trucs qui vont pas, et que ça l'emmerde. On est sur du pinaillage, on est sur du petit détail. Et ce genre de petit détail, c'est pas des incohérences scientifiques, c'est pas des incohérences, c'est vraiment des incohérences scénaristiques et de continuité. Mmh. Est-ce que vous avez... un exemple, vous, de film? Donc moi, je pensais évidemment à Man of Steel, hein, me concernant également. C'est-à-dire, c'est un film qui, a priori, peut être pas mal. Premier degré, mais c'est quand même des super-héros. Il y a des super-pouvoirs, c'est un peu magique, mine de rien. Et pourtant, j'ai été vachement emmerdé par une succession d'incohérences. Alors, notamment, le principe des personnages qui sont débiles et qui terraforment la planète alors que ça les rendrait plus forts de pas la terraformer. Ou encore, j'avais comme exemple le fait que le méchant invite Superman à monter dans son vaisseau, et il invite aussi Lois Lane, c'est-à-dire une personne qui est dans la foule, qui tend, il tend le doigt, enfin c'est pas lui, c'est un autre personnage qui fait ça, mais qui tend du doigt Lois Lane en disant « Hey toi, je te connais pas, je sais pas qui t'es, mais tu montes dans le vaisseau avec nous. Je sais pas pourquoi, mais je pense que t'es super importante dans le scénario, et puis tu vas peut-être pouvoir permettre à Superman de s'échapper après. Allez, monte, viens. » Ça n'a aucun sens scénaristique autre que de permettre une évasion plus tard, tu vois. Ouais, ouais. Donc ça, c'est mon exemple à moi, c'est ce qui me dérange énormément dans Man of Steel, et qui m'a empêché d'apprécier le film. Ça et un peu la lourdeur des combats qui sont trop longs et trop dantesques pour être crédible, enfin pour être puissant, intense. Est-ce que vous, Valentin, Bilal, vous avez ou Lucie? Enfin, toi, oui, moi j'en ai dans Pokémon le film, Miaouss, il voyage dans l'eau, alors que les chats n'aiment pas l'eau. Je trouve que c'est une incohérence qui est vraiment impardonnable. Je suis désolée, Bilal, mais on va devoir te dire que c'est faux. Putain, mais j'ai rien dit depuis le début qui soit correct dans tout ce que j'ai dit. Il y a pas un truc qu'on m'a dit. Oui, c'est vrai, Bilal, tu as raison. Oui, c'est vrai, Bilal, je trouve que tu as raison sur ce truc-là, tu es meilleur que nous. Il y a certains chats qui aiment l'eau, donc Miaouss peut faire partie de cette espèce. Mais moi non plus, disons que j'ai vu des films où il y a des incohérences, mais je pourrais pas te les ressortir parce que c'est un truc que tu ressens. Tu dis, putain, bon, mais c'est aucun sens ce que vous dites là dans l'histoire. Et j'arrive pas, c'est surtout ça en fait. Donc quand tu regardes un film et que justement ça t'arrive à ce moment-là, ça n'a aucun sens ce que vous dites là. C'est plus, à mon avis, pas un truc scientifique qui va plus te faire chier pour la suite de l'histoire qu'un truc, justement, scénaristique où tu dis, là, non, là, ça va pas. Donc, en conclusion, vous êtes peut-être plus gêné par des incohérences de liées à la science, à la... Pas vraiment, non. Moi, c'est plus une incohérence de ton, en fait, enfin, de la manière de l'aborder. Ouais, c'est ça, de ton. Ouais. Je pense que c'est plus ça, parce que au final, quand tu regardes Le Seigneur des Anneaux, si tu pars sur si le Peter Jackson aurait dit voilà, faut que ça soit un truc hyper réel, que tout le monde y croit et tout, ben tu sais que ça peut pas fonctionner, parce que la base de l'œuvre en plus c'est quelque chose de magique. Donc c'est plus un choix de ton, et dans les films c'est comme ça aussi, quand tu vois qu'il y a le ton qui change au bout d'un moment, tu te dis ça, tu le ressens. tu le ressens quand c'est mal fait, quand c'est mal amené, quand c'est un truc, un changement brusque. À mon avis, c'est plus un, la manière dont tu prends le film. C'est un peu ce que je peux reprocher au film de super-héros généralement, c'est quand tout d'un coup il est épique et qu'il passe à de la romance inattendue. C'est un peu ce que tu veux dire là, c'est que le ton n'a rien à voir avec le ton du depuis le début du film. C'est ça, c'est un peu ce que je reproche à Ant-Man que j'ai vu dans la semaine. Ouais, je vais spoiler, hein, je m'en fous si vous voulez pas spoiler, écoutez pas ce que je vais dire. C'est que à la fin, la fille donc Evangeline Lilly. Non, je veux pas spoiler. Embrasse le héros alors qu'ils ont eu genre ils se sont parlé deux fois dans le film. Ils ont aucun rapport l'un et l'autre. Et là, à la fin, vraiment, c'est limite, c'est la scène de fin, quoi. C'est l'avant-dernière scène. Ils s'embrassent. Ah oui. Aucun rapport, quoi. C'est juste pour les montrer s'embrasser. Et du coup, c'est le genre de truc qui te sort totalement du film. Exactement pareil dans un jeu cette fois, dans Jack and Daxter. Il y a une incohérence à la fin de Jack 3. Alors, je sais pas si vous avez joué, vous, à Jack and Daxter. En fait, à la fin du 3, donc, il y a Jack qui, depuis le 1, dragouille, en fait, la fille d'un sage, il le dragouille, puis tu sens qu'il se passe quelque chose entre eux, quoi. Tu sens qu'il va se passer quelque chose. Puis dans Jack 2, il y a une fille qui est en fait la fille du méchant, arrive, qui fait partie de la résistance pour sauver la ville d'Abriville. Et en fait, à la fin du 3, il y a cette fille, donc cette résistante, la fille du baron, qui arrive, et qui embrasse le héros. Et en plus, c'est complètement con, parce que c'est vraiment la fin du jeu, quoi. C'est-à-dire que tu bats le boss et tout, t'es trop content, puis t'as ça qui arrive, tu fais « What ? Mais pourquoi ?» Mais c'est pas une forme d'humour, parce que c'est une série plutôt... Ouais, mais enfin, c'est un truc plutôt humoristique, mais là, pour le coup, ça se veut pas humoristique. C'est-à-dire que elle arrive, elle l'embrasse, tu les vois pas s'embrasser, si tu veux. Il y a la caméra qui descend sur Daxter, donc tu vois les pieds et tu vois Daxter entre les deux, et... Ah bah peut-être qu'elle lui éclate un point noir, en fait, on sait pas trop. Mais si, c'est clair, c'est quand avec les yeux que Daxter fait, si, il y a un truc qui se passe, mais... Non mais je crois qu'en fait, ça a traumatisé le côté fleur bleue de Valentin, tu vois, il s'est dit, mais cet amour qui a duré trois épisodes... C'est pas avec elle qui devait aller, c'est pas avec elle. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il t'amène un truc scénaristiquement où, tu sais, il y a pas quelque chose entre Jack et l'autre fille. Si le ton est donné comme ça, je m'en fous. Mais là, pour le coup, ils ont tiré un truc scénaristiquement, et ils l'aboutissent pas, ils aboutissent sur un truc que personne n'attendait, et qui est naze, en fait, qui est pas attendu, ça va pas. Donc, les incohérences qui amènent à des déceptions. On va terminer, je vais citer un dernier petit commentaire pour conclure, de notre ami Charles Gravouille, de Akiran Deba, qui nous dit, des films incohérents, La Vengeance de Morsay. Voilà. Je pense que ça peut conclure notre débat sur les incohérences. En tout cas, voilà. Donc, bon, j'espère que chez vous, vous apprécierez cette petite discussion. Mais en tout cas, nous allons enchaîner maintenant avec la chronique de Fabien, de BAF, sur une chaîne YouTube assez surprenante, BAF. C'est pas tout à fait une chaîne YouTube, c'est pas tout à fait faux, parce qu'il y a effectivement une chaîne YouTube, mais c'est pire qu'une chaîne YouTube, c'est-à-dire que c'est une plateforme parallèle à YouTube qui s'appelle Gloria TV, qui en fait est un YouTube catholique, on va dire les choses comme ça, dont le slogan n'est autre que « Plus c'est catholique, meilleur c'est ». Le ton est déjà posé, faux. Ce qui est pas forcément vrai non plus. Moi, je trouve que c'est très respectueux des autres religions dans un premier temps et de toutes les personnes athées qui sont pas forcément d'avis que c'est meilleur quand c'est catho. C'est donc un YouTube chrétien, comme un monde parallèle en fait à YouTube qui est né il y a quelques années. Alors, je suis désolé de ce point de vue-là, j'ai pas réussi à trouver trop d'informations. Avec Bilal, on a réussi à trouver que c'était que ça prenait source en Biélorussie, visiblement, ou en Russie, c'est ça ? Ils ont leur bureau à Moscou. Voilà, ils ont leur bureau à Moscou. Et c'est écrit dans les mentions légales du site. D'accord. Et c'est un peu difficile de trouver des infos. Tu vois, il n'y a pas de Wikipédia. Et franchement, s'il n'y a pas de Wikipédia, c'est super chaud de trouver des infos sur un truc. Lucie pourra nous le confirmer. Évidemment. Et c'est une découverte que j'ai fait il y a quelques temps et qui j'ai l'impression d'avoir ouvert une boîte de Pandore. Enfin, c'est incroyable. En gros, ce YouTube parallèle où j'étais quand même un petit peu déçu parce que je m'attendais à trouver un petit peu voilà des versions alternatives de nos figures, par exemple, je sais pas, un joueur du bénitier qui testerait uniquement des jeux bibliques sans prononcer un seul blasphème, hein, bien sûr, ou encore la fameuse émission What the Cult, programme présenté par Saint Antoine Daniel, tu vois, qui nous gratifierait de répliques cocasses comme j'ai jamais touché mes filles sauf une fois à la chapelle, ou ma foi est grande comme ma bite le Seigneur, tu vois. Donc tout à l'heure, Valentin, tu disais c'est une chaîne YouTube. C'est faux et c'est en même temps vrai parce qu'ils ont également une chaîne YouTube qui actuellement a dans les, enfin en dessous de 1000 abonnés. Voilà. Donc c'est pas super fameux. Ah ouais, franchement. Tous les gens qui ont des chaînes de moins de 1000 abonnés, excuse-moi, mais c'est des gens qui sont pas vraiment dignes de confiance, tu vois. Moi, ça me dégoûte même. Franchement, ça, je peux pas regarder ça dans les yeux, quoi. Ça... Ah. Bon, et concernant leur chaîne YouTube, ils ont des vidéos qui sont très populaires. Parmi leurs vidéos les plus populaires, ils ont notamment un reportage sur les symptômes d'une possession démonique. Démoniaque plutôt, avec le président de l'Association internationale des exorcistes. Donc le gars parle tranquillement. Oui, alors effectivement, les gens qui sont possédés, ils développent une force surhumaine, par exemple. Hein. Donc voilà, on pourrait penser que Teddy Riner est peut-être possédé par le démon. Mais de toute façon, il est noir, donc obligatoirement, il est possédé par le démon, voyons. D'une part, j'ai envie de dire, voilà. Ah, d'accord, on continue là-dessus. Aux abonnés absents. La radio. Je vous rappelle. Aux abonnés absents, mais aux racistes présents, en tout cas. Je rappelle qu'il y a quelques siècles, on a effectivement fait un débat pour savoir si les Indiens d'Amérique avaient une âme. Donc, on rigole maintenant. Mais il y avait l'émission, il y avait les émissions au Conquistador absent qui existaient à l'époque. Et d'ailleurs, dans ces débats, il était question des Indiens d'Amérique, mais certainement pas des populations africaines, des populations noires, qui étaient même pas du tout considérées dans le débat. Et c'est bien comme ça. Bravo. Non, mais justement, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je suis content qu'on puisse en rire et que ce soit et que Bilou ne se sente pas offensé quand je lui rappelle qu'il est arabe. C'est écrit dans mon contrat que c'est moi l'arabe de service, j'ai rien à dire. Bon, alors là je vous ai dit, enfin c'est déjà croustillant, moi je trouve ça super croustillant, mais le plus croustillant dans tout ça, ça reste les commentaires, parce que c'est vraiment là où tout le monde se dispute sa propre vision de la foi. Avec franchement, je vous en ai trouvé un génial d'un gars qui s'appelle Neptunian Mermaid. Et qui commente sous la vidéo de l'exorcisme. Ah, c'est génial. L'exorcisme, la vidéo de l'exorcisme qui commente. Oui, en fait, ce ne sont pas à proprement parler les démons qui prennent possession des humains, mais plutôt les anges, car ces derniers détestent les humains pour leur narcissisme exacerbé. Donc, voilà, c'est très technique, en fait. On se rend pas compte à quel point c'est vachement carré, la religion. Est-ce qu'il donne des sources, tu vois, genre, livre 2, verset 50. Ah oui! Ah oui, tu rigoles, mais putain, effectivement, il y a énormément de sources de citer par rapport au livre sacré, le verset, la... Oui, tout à fait. Attends, c'est tout à fait justifié et sourcé. Tu rigoles, mais... Non, eux, leur source, c'est pas Wikipédia, pour le coup, hein. Ah. Attention. Ah, mais c'est hilarant. Mais en fait, ouais, quand je te dis que j'ai ouvert une porte fabuleuse vers un royaume, tu vois, mais je me délecte. Alors, j'en rigole, hein, évidemment, parce que là, ça va, on est entraté. Je suis le premier à dire qu'on peut respecter la foi de chacun et que si ces gens trouvent leur bonheur dans leur débat sur quelle est la véritable parole de Dieu, bon, tant qu'ils prennent pas un fusil et qu'ils font du mal aux gens, voilà, je pense que c'est le plus important, c'est que s'il y a des gens qui se sentent mieux, et généralement c'était le cas, il y a Jérémy Ferrari qui expliquait ça dans son spectacle Les Lieux à Bordel. Justement, il traitait les livres sacrés et il montrait un peu les trucs drôles qu'il y avait dedans. Mais il disait, on m'a proposé, moi, quand j'allais très mal, d'aller dans les églises et tout et de voir, dans les églises, dans les lieux sacrés et de voir si une religion pouvait m'aider parce que il était en dépression. Et c'est vrai que ça aide certaines personnes à trouver une voie à leur vie et je trouve ça assez respectable de vouloir se prendre en main d'une certaine manière. Faut respecter ces gens-là. Faut justement pas être, de toute façon, Dieu, la religion. On dirait qu'on parle d'handicapé, là, c'est un peu. Oui, c'est vrai que ça fait un peu ça. Ça fait un peu ça. Mais pour le coup, quand tu regardes les débats, je vois beaucoup de débats comme ça, où la religion est vraiment stigmatisée. On n'a pas le droit forcément de la stigmatiser. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la science qui pousse encore plus et qui montre comment une certaine réalité, il y a de plus en plus de gens qui se prennent des coups sur la gueule parce qu'ils croient en Dieu. Mine de rien, voilà, il y a des gens qui croient en Dieu, voilà, c'est... Mais en attendant, là, c'est pas vraiment le sujet du débat. Le sujet du débat, c'est que c'est marrant de voir un site dédié à la vidéo catholique, Alors qu'il y a un YouTube, et c'est marrant qu'ils aient fait leur propre, site pour diffuser des vidéos catholiques, comme si le fait d'aller sur YouTube va les rendre mal propres. Grosso modo, je pense que c'est important de dire que voilà, la religion, a priori, ça part d'un truc bien. Enfin, je vais en reparler un peu après, parce que Gloria TV, on va dire, pourrait avoir tendance à nous prouver le contraire, malheureusement. Donc en fait, ce que je voulais faire à présent, c'était vous citer une pépite en or massif. Vraiment, un gars sur qui je suis tombé, qui m'a fasciné, qui est très actif, hein, qui fait beaucoup de vidéos sur Gloria TV et sur YouTube également. Mais je l'ai découvert à travers Gloria TV et j'ai été fasciné. Donc je vais vous parler un petit peu de cette personne qui s'appelle Jean-Pierre Haussan, un jeune quinquagénaire qui est d'origine marseillaise et qui habite actuellement à Hambourg en Allemagne. Je le dis parce que lui-même le revendique, hein, voilà, il le dit au début de sa vidéo et qu'il est actuellement en Allemagne. Après, j'ai pas trouvé 40 000 informations sur lui, et puis je vais pas non plus vous donner son adresse, et on s'en branle. Non mais disons que j'essayais surtout de trouver peut-être quelle était sa profession, est-ce qu'il est... est-ce qu'il a fait des études là-dedans? Et justement, j'ai vu qu'il sortait d'une académie catholique française, etc. Donc le gars est à fond dedans, ça c'est indéniable. Voilà, le gars c'est son dada quoi, c'est son petit péché mignon, c'est démontré. Ah mais non, justement, ouais, exactement. C'est génial, super, j'adore. Une autre. Donc le JP en question, il est vachement intéressant parce que dans une vidéo, hein, parce qu'il en a fait beaucoup, mais une en particulier que j'adore, que je me suis maté deux fois, que j'ai envoyé à des amis, c'est super marrant. Et ça fait peur. Mais en gros, il nous partage sa confession, face caméra, comme ça, assis sur son fauteuil, les volets fermés parce qu'il faut peut-être pas non plus trop que les gens de l'extérieur voient ce qu'il fait. Mais en gros, il commence à nous raconter qu'il a il a un pressentiment. Il a l'impression qu'il va se passer quelque chose de très important dans l'humanité et que il est un des seuls, ou en tout cas peut-être même le premier, à l'avoir décelé et à comprendre que ça va arriver. Et il comprend pas qu'il est le seul. C'est un genre de prophète pour lui. Il se définit pas comme un prophète, mais en tout cas il se définit comme une des premières personnes à prendre conscience de ce problème planétaire. Parce que il a pris conscience qu'il y avait un complot féministe visant à éradiquer la race humaine. Non. À éradiquer, le sexe masculin. Alors, je poursuis sur ce scénario de science-fiction des plus passionnants, hein, parce que vous allez voir que c'est très mais c'est très raconte imagé pas ça, après. Il y a Lucie aussi qui est à côté, elle est au courant. Je t'inquiète pas, je sais, j'ai vu. Non mais elle bosse pour l'ennemi. Ouais, non mais je lui fais confiance, je crois. Je crois. Alors, peut-être que je devrais pas. Ouais, bon. Ça te dirait que je fasse la chronique et que tu partes un petit peu quelques instants, Lucie? C'est peut-être temps d'avouer à tous que je suis un homme, en réalité. Oh, la révélation! Ça pose pas de problème. Je peux confirmer! On m'aurait menti! Non, mais je t'aime comme tu es, mon chat. Bon, mais Bilou, qu'est-ce qu'on fait, nous? Parce que pour le coup, bon, on est un peu... Allez, viens là. Bon, alors, je reviens sur le scénario génial de monsieur... JP. On va l'appeler JP. JP pense que, effectivement, dans un avenir incertain, les femmes domineront le monde et que le monde sera rempli de femmes homosexuelles qui se reproduiront par clonage. Et que du coup, s'organisera évidemment une résistance, mais une résistance où il y aura autant d'hommes que de femmes, hein, parce que en fait, c'est pas tellement les femmes. Il se défend d'être misogyne, si tu veux. Pour lui, c'est pas un propos misogyne, parce que c'est avant tout un propos... En fait, anti-homosexuel. Ouais. Sa crainte, c'est que avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, voilà, le mariage homosexuel accepté, leur peur évidemment que on leur accorde des bébés éprouvettes à droite à gauche, etc. On va finir par un monde où il y aura plus que des homosexuels parce que c'est bien connu les homosexuels, eux ce qu'ils veulent. C'est dominer le monde. C'est dominer le monde, c'est convertir tout le monde à l'homosexualité. Hein, moi-même j'ai des amis homosexuels qui tout le temps me demande si j'aimerais pas changer d'orientation sexuelle, constamment. Il vient de sonner à notre porte. Vous avez entendu parler de l'homosexualité? Franchement, donc c'est pas un propos misogyne, parce que selon lui, il y aura une résistance constituée d'autant d'hommes que de femmes, mais qui lutteront contre ces femmes clonées. Je suis désolé, mais je peux. Enfin, faut rigoler à un moment parce que jusque là, je vois gros, pas où quoi. Est le problème. Hein, Et cet avenir, mais moi, je vois déjà le film, tu vois. Je vois déjà un truc réalisé peut-être par Mel Gibson, tu vois, avec une grosse bande-annonce, tu vois. La fin de l'homme. La fin de l'homme. Des femmes Lesbos clonées Express. Qui. Oui, oh, puis il y a pas seulement aussi la peur de l'homosexualité, mais il y a aussi la peur de la perte de repères de ce qui est féminin et masculin, parce que il arrête pas de parler justement du fait que les hommes sont de moins en moins des hommes et que on pervertit les enfants avec les théories du genre et tout. Donc il y a aussi quelque part la peur de oh mon Dieu, les petites filles ne s'habillent plus en rose, elles ne sont plus douces et gentilles. Et les petits garçons n'aimeront plus jouer à la guerre et voilà, enfin c'est ça, il y a de ça aussi hein, quelque part. Voilà, et il le définit de cette manière, c'est-à-dire que c'est l'œuvre du démon, hein, parce qu'on est quand même sur Gloria TV, et c'est l'œuvre du démon parce que le démon cherche justement à l'équilibre, à faire que les choses soient remises à plat, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de distinction entre les hommes et les femmes. Ça, pour lui, c'est l'œuvre du démon. Au contraire, la vraie parole de Dieu, hein, c'est que il doit y avoir des différences et que l'homosexuel tend à être trop égal. En fait, l'égalité, c'est le Satan, quoi. C'est ça. Donc, on a visiblement Dieu qui parle à travers cet homme. Hein, et justement, ce que je voulais dire pour conclure, c'est que oui, je suis le premier à dire qu'il faut respecter la religion, et qu'on peut s'épanouir là-dedans, rencontrer... Ou pas. Ben, c'est compliqué. Il y a une différence entre respecter la foi des personnes et respecter la religion. Respecter les religieux, oui, respecter la religion, on n'est pas non plus obligé. Oui. Voilà, c'était ma seule... il devrait pas... Je vais mourir demain. Allez, ciao. Non, mais t'as raison, c'est-à-dire que la foi peut permettre d'obtenir combler un manque. Il y a une différence entre attaquer quelqu'un pour sa religion et lui dire « mais t'es vraiment qu'un crétin de croire en ceci et cela » et faire des caricatures, par exemple. Ou tourner en... Oh, bah direct là-dessus, là, il n'y a pas de... Ah, d'accord. Non, mais je parlais pas forcément des caricatures en général. C'est-à-dire qu'on peut aussi... sinon, à ce moment-là, si on se dit trop « non, mais attention, faut respecter la religion », on remet rien en cause, on remet pas les dérives en cause les dérives du Vatican, ou etc. On peut respecter la foi de chacun, mais pas forcément la religion en tant que telle. Dans le sens, respecter ne voudrait pas dire s'empêcher de faire de l'humour dessus ou de bien montrer les défauts que ça peut avoir, oui. Etc. Il faut pas que dans le respect, il y a quelque chose de sacré. La religion, c'est pas quelque chose de sacré pour les gens, en quelque sorte. C'est-à-dire que si toi, tu crois pas, t'as parfaitement le droit de considérer que c'est pas sacré, mais être quand même tout à fait tolérant avec une personne qui est croyante. Je sais pas si j'ai été très claire. Moi, je dis amen à ça. C'est ça. Amen. Non, mais qu'on soit clair, voilà. C'est... Comment dire ? Le respect... moi, je suis athée. J'ai pas envie que quelqu'un me dise, oh, dis donc, t'es athée, c'est pas très bien. Faudrait peut-être plutôt que tu te convertisses à l'islam pour trouver quelque chose qui te manque, ou au bouddhisme, ou j'en sais rien, tu vois. J'ai envie qu'on me foute la paix. Et j'ai envie de foutre la paix à ces gens-là aussi, s'ils s'épanouissent là-dedans. Franchement, tant qu'ils ne font pas de mal, c'est ça l'idée, parce que le problème, c'est qu'il y a des dérives extrémistes et voilà. religieuses. Et c'est ça qui pose problème. Et on est un petit peu, alors je vais dire, je suis désolé pour tous nos auditeurs qui adorent Gloria TV, mais Gloria TV, c'est un repère de conspirationnistes, Illuminati... Civitas aussi, je pense, mais... Enfin, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'organisation catholique... C'est les plus drôles. Qui ont notamment organisé tout ce qui est Manif pour tous, etc. Ou qui organisent des manifestations contre des pièces de théâtre, soi-disant blasphématrices, enfin, tout ce truc-là. Voilà, mais bon, alors comme YouTube, voilà, c'est pareil. Sur YouTube, il y a aussi des gens qui sont de toute religion et qui ont leur liberté d'expression et qui vont dire ce qu'ils veulent. Sur Gloria TV, c'est pareil, sauf qu'on est vraiment dans un cas où j'ai vraiment du mal à trouver autre chose que des vidéos de conspiration, de thèses, de théories, de complots, de nihilisme, etc. Ça foisonne, ça pullule, et c'est surtout dans les commentaires et dans les vidéos des gens qui se tirent tous dans les pattes sous prétexte que chacun a mieux compris que l'autre la parole de Dieu. J'ai une question. Est-ce qu'il y a marqué le nombre de vues sous les vidéos de Gloria TV ? Ce qui pourrait suggérer... ça monte haut ou pas, le nombre de vues ? Le fameux Jean-Pierre, là, il est à 1000 et quelques. 1100, 1200. D'accord, donc c'est-à-dire que c'est pas non plus un site qui regroupe une tonne de personnes, quoi. Ah bah c'est pas un site qui... Si, c'est un site qui regroupe beaucoup de monde, alors je peux pas te donner de chiffres. Je suis désolé de pouvoir être plus précis, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations sur Gloria TV, c'est très refermé encore. J'ai découvert, pour moi ça sortait de nulle part ce truc. Je suis tombé dessus par hasard. Mais clairement, par contre, ce que je constate, pour avoir regardé mais vraiment énormément de vidéos, c'est que c'est des gens qui peut-être sont prêtres, hein, des fois, ou qui sont juste des croyants, qui vont livrer leur interprétation de ce qui pour eux est la parole de Dieu, hein, ils vont le dire texto, c'est-à-dire Dieu parle à travers moi, tu vois. Ce qui est relativement contradictoire. Ça doit faire mal. En tout cas, pour ce qui est des catholiques, théoriquement, le clergé est là justement pour traduire et la parole de Dieu et les textes sacrés à ses ouailles. C'est bien pour ça qu'il y a un clergé et que, par exemple, contrairement aux protestants, où normalement, enfin, en tout cas de base, chacun peut lire le livre sacré, ce qui est pas au départ du dogme catholique. Donc en plus. Ouais, mais le clergé, depuis son dernier Tintin, il a pas fait grand chose, quoi. Merci. Eh ben, c'est sur cette blague qu'on C'était va conclure sur Gloria TV, sauf si vous avez des choses à rajouter, mais je pense qu'on a bien fait le tour, et franchement, je crois que je pourrais faire une chronique quotidienne sur ce que je trouve sur Gloria TV. C'est pété de surprises, de vidéos incroyables, de gens qui se tirent dans les pattes, qui pensent avoir vraiment compris ce que c'est la religion catholique. Il y a des trucs, c'est très complet. Est-ce qu'il y a du Jésus Gaming? Alors j'ai vu quelques... J'ai voulu taper des trucs genre Zelda, tu vois, dans le moteur de recherche. Je suis tombé sur une vidéo, c'est juste une vidéo d'un gars qui, je sais pas, qui fait une hagiographie d'un quelconque pape et qui met une musique de Zelda en arrière-plan. Voilà. Ah ouais. Et c'est juste ça, quoi. Il y a des trucs géniaux. Il y a du métal chrétien. Il y a du, c'est un autre monde. Enfin, pour moi, c'est un autre monde. Mais j'avoue que ça me fait vraiment flipper parce que on est sur des gens. Tu vois, on peut déjà parler de YouTube, hein, qui regroupe quand même pas mal de gens qui, à la base, ont peut-être fait des vidéos parce que, certains se sentaient un peu seuls, tu vois, et que c'était l'occasion de rencontrer des gens, c'est l'occasion de communiquer ensemble sur des sujets qu'on a en commun, de se regrouper, et d'être entouré de gens qui ont, voilà, des centres d'intérêt communs. Et là, Gloria TV, j'ai l'impression qu'on est sur un regroupement assez agressif, quand même, de gens qui veulent propager des idées, qui veulent lutter contre d'autres personnes. Oui, disons que aime ton prochain, là, pour le coup, c'est pas vraiment le message qui est mis en avant. Voilà. Moi, ça me fait personnellement assez flipper de voir un gars qui fait des vidéos, pour expliquer que il y a un complot féministe planétaire qui se prépare. Et, moi, ça me fait flipper, voilà. Pas le complot, le mec, hein, je précise. Le complot, je pense, ça devrait pas arriver, ça va. Non, mais je pense que le gars, il fait un amalgame de tout ça. C'est-à-dire qu'il se dit, à la fois, voilà, il y a des progrès scientifiques, on peut faire des bébés éprouvettes, il y a des homosexuels qui ont besoin de procréation médicalement assistée. Du coup, ça y est, dans sa tête, le gars, il voit un avenir où il y a plus que des femmes lesbiennes qui se clonent. Et alors, qui vont qu'est-ce détruire que ça les ferait humains. Moi, je m'en fous, hein. Il peut bien avoir un avenir de femme lesbienne, je m'en fous, moi. Sur ces bonnes paroles, on va repasser la main à Valentin. Oui, mais nous allons enchaîner avec une musique de Lucie. Eh ben, justement, je me suis dit, tiens, ça va être parfait avec le thème que vient d'aborder Fabien, pardon. J'ai décidé de vous proposer la chanson Infernale du dessin animé de Disney, Le Bossu de Notre-Dame, qui est donc la chanson du comte Frollo, qui est donc doublé en version française par Jean Pia, qui à ce moment-là de l'histoire nous chante une magnifique chanson que je pense qu'on comprend pas vraiment quand on est petit et qu'on regarde Le Bossu de Notre-Dame pour la première fois, mais qui exprime à quel point il a du désir pour Esmeralda, mais que du coup il a envie de niquer, le désir quoi. C'est le démon, et voilà, exactement. Mais le problème, c'est que c'est démoniaque, là, le désir charnel est démoniaque, et que comme il ne peut pas l'avoir, puisque c'est un péché, et ben autant la tuer, la brûler, voilà. Et, c'est logique, et qui, hein. Finalement, est un discours qu'on retrouve, un discours qu'on retrouve chez pas mal de gens sur Gloria TV, effectivement, cette espèce de frustration sexuelle qui s'exprime un peu comme ça. Mais on respecte, hein. On respecte complètement les gens de Gloria TV, hein. Pas d'amalgame. Si j'avais dû tuer toutes les personnes avec lesquelles j'ai pas pu coucher, ce serait un génocide, là. Beata Maria, je clame que mon âme est pure, de ma vertu j'ai droit d'être fier. Beata Maria, mon cœur a bien plus de droiture qu'une commune vulgaire foule de traînes misères. Mais pourquoi Maria, quand elle danse l'insolente, ses yeux de feu m'embrasent et me hantent. Quelle brûlure, quelle torture, les flammes de sa chevelure dévorent mon corps d'obscène flétrissure. Infernal, bacchanal, l'enfer noircit ma chair. Péché de désir, le ciel doit me punir. Est-ce ma faute? Pourquoi ce blâme? C'est cette sorcière gitane par qui mon cœur s'enflamme. Est-ce ma faute si notre père a fait les hommes moins puissants que Lucifer? Par pitié, Maria, protège-moi du mauvais sort, de cette fleur du mal et de son corps. Détruis, Esmeralda, qu'un rideau de feu soit son linceul, ou fais qu'elle soit à moi et à moi seul. Ministre Frollo, la bohémienne s'est enfuie. Quoi ? Elle n'est plus dans la cathédrale, elle s'est échappée. Mais comment ? Ça ne fait rien. Sors d'ici, idiot! Je la trouverai, je l'aurai, même si je dois brûler tout Paris! Infernal, bacchanal, diabolique sorcière, sois mienne, ma passion te mènera en enfer! Seigneur, pitié pour elle. Seigneur, pitié pour moi, fais qu'elle s'offre à moi, ou elle brûlera. Eh bien voilà, c'était Infernal de Le Bossu de Notre-Dame, et nous allons enchaîner directement avec le journal de Bilou. Fait divers, un homme a fait une crise cardiaque en jouant au mime. Il a fallu 2 heures aux autres participants pour réaliser qu'il ne mimait pas la danse de Carlton dans Le Prince de Bel-Air. International, la pornographie infantile vient d'être déclarée illégale au Japon. People, Jean-Luc Lahaye vient d'annoncer son retour en France après 2 ans passés au Japon. People encore, Clara Morgan a déclaré avoir couché pour réussir. Société, 98% des personnes de plus de 30 ans sont pour un retour du service militaire pour les personnes de moins de 30 ans. Santé, selon une étude très intéressante de l'université de Poitiers, si on allongeait tous les Français collés côte à côte au fond de l'océan Atlantique, ils mourraient noyés. Politique, si Patrick Balkany était ruiné, le Valois paierait. Télévision, TF1 annonce la création d'un jeu dont le but est de passer le plus de microbes à ses adversaires. Ça s'appellera Tous Ensemble. Nécrologie, Harry Potter. Nécrologie, Harry Potter est mort! Hé hé hé! International, le conflit israélo-palestinien. Ah non, je déconne. Voilà, c'est la fin de ce journal. N'oubliez pas de souhaiter les François Mouloud. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, frottez-vous bien. Voilà. Et bien voilà, c'était le journal de Bilou. Et on va enchaîner de suite avec Lucie. Alors, je vais vous donner un petit peu le programme de cette dernière partie. Et oui, c'est déjà la dernière partie. Donc, on va commencer par une petite chronique de Bilou, qui va nous parler d'une série. Donc, je laisse un petit peu le suspense. Ensuite, on aura une musique choisie par Valentin. Et encore une fois, on a le droit à de la musique de jeux vidéo. Vous êtes un peu trop geek, les mecs, quand même. Mais non. Et après... Après... Moi, j'ai voulu qu'on fasse cette radio pour diffuser de la musique geek. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite parce que... Après, on terminera par les questions des abonnés. Enfin, je crois la question. La question de l'abonné. C'est ça. Et ensuite, on parlera vite fait des projets en cours. Et puis, petite conclusion avec, évidemment, comme à chaque fois, la consanguine. Alors, je t'en prie, Bilou, c'est à ton tour. Alors, avant de commencer, je tiens à dire à tout le monde que j'avais préparé et que je n'ai plus mon papier. Donc... Ça va être l'impro total et j'espère que ça va aller. Alors, je vais parler de BoJack Horseman, qui est une série de Netflix que j'ai appris que Fabien avait regardé. Ah oui, ouais, bah j'ai pas regardé en entier, j'ai regardé 3 épisodes, mais je suis super fan, j'ai trouvé ça génial. J'ai très envie de voir la suite, mais il faudrait que je reprenne un abonnement Netflix, quoi. C'est internet, tout est gratuit. Oh. Donc BoJack Horseman, donc c'est une série américaine produite et diffusée par Netflix. Donc là, la deuxième saison vient juste de sortir. Donc vu que c'est Netflix, comme je l'avais dit dans le dernier épisode, si je peux me permettre, autant on va taxer Valentin de Nintendo fanboy, mais alors toi, t'es payé par Netflix, là, c'est pas possible. Ah non, il a dit de le télécharger gratuitement. Ouais, moi j'ai même pas Netflix. Parce que hein. Déjà, Orange is the New Black. Ouais, là, c'est vrai que la dernière fois, je parlais d'une série Netflix, mais c'est parce qu'ils produisent quand même de bons trucs. Donc, vu que c'est Netflix, comme je le disais la dernière fois, tous les épisodes de la saison sortent en même temps, donc on peut regarder tout d'un coup ce que j'ai fait. C'est une série qui a été créée par Raphaël Bob Walsberg, un mec totalement inconnu jusque-là, mais Netflix lui a dit bon allez vas-y fais-nous ton truc. Du coup il a fait sa petite série animée. Alors oui c'est une série animée, je l'avais pas encore dit. Au dessin, c'est des dessins plutôt simples quoi, naïfs on va dire, mais l'animation est super travaillée elle par contre. Je sais pas ce que t'en as pensé toi de l'animation. Fabien. Oui je trouve que ça part d'un visuel un petit peu simple. Voilà c'est on ça. On pourrait penser à South Park, mais c'est quand même chiadé hein l'animation. Ouais, c'est vraiment bien travaillé. C'est peut-être pas les Simpsons non plus, mais c'est quand même vachement bien. Et donc, dans cette série, on suit BoJack Horseman, qui est un cheval. Alors oui, parce que j'ai pas précisé, mais dans BoJack Horseman, les animaux et les humains, ils vivent ensemble d'égal à égal, comme s'il y avait pas de différence de race, quoi. C'est beau. Enfin, c'est trop beau ce que je dis. Un humain et un cheval, c'est la même chose. Hein. Donc là, si Gloria TV vient d'entendre ce que je viens de dire, un humain et un cheval, c'est la même chose. C'est ça, en fait, le complot, c'est des chevals lesbiennes. Blasphème! Des chevals lesbiennes qui vont prendre le contrôle de... Non mais combo, des chevals lesbiennes. Bravo le français. Des chevals lesbiennes. Bah oui, cheval lesbienne, c'est féminin. Oh. Ah mais c'est trop bien. Je pense que je vais faire une adaptation française de BoJack Horseman qui s'appellera Des chevals lesbiennes. Donc BoJack Horseman, c'est une ancienne star d'une sitcom des années 90, une sitcom qui s'appelait Horsin' Around, dans laquelle il devenait le père adoptif de 3 humains. Et c'est une série qui a eu dans les années 90 un immense succès public, mais la critique disait que c'était vraiment la pire daube qui existait à la télé. On le suit pas dans les années 90, on le suit dans les années 2014-2015 et on voit ce qu'il est devenu maintenant. Après l'arrêt de la série, plus d'une dizaine d'années après la série, et maintenant il a 50 ans. Et il vit à Hollywood, il est alcoolique, il est dépressif, et il fait rien de ses journées. C'est un has-been quoi. Voilà, c'est un peu un Charlie Sheen, mais en moins bouffon quoi. Et l'élément perturbateur de la série, en fait, c'est le moment où Diane, interprétée par Alison Brie qui joue Annie dans Community. Je ne sais pas si vous avez vu Community, si jamais vous n'avez pas vu, allez voir tout de suite. C'est le moment où Diane arrive dans la vie de BoJack, parce que BoJack avait promis à son éditeur de faire une autobiographie pour permettre à son éditeur de se remettre à flot et lui de revenir sur le devant de la scène. Mais il l'a jamais fait parce que c'est un gros feignant, voilà. Donc son éditeur lui a imposé un ghostwriter. Donc du coup elle passe une tonne de temps avec lui. Donc elle c'est une humaine. Elle passe une tonne de temps avec lui pour en apprendre plus sur sa vie, savoir comment il en est arrivé là. Et c'est comme ça qu'on qu'on en apprend plus sur lui parce qu'il se au début il veut pas se confier, il a du mal à se confier, mais petit à petit on en apprend plus sur lui, comment il en est arrivé à devenir ce qu'il est maintenant, quoi. Donc déjà, j'ai pas trop précisé, mais c'est une série comique, c'est une comédie, mais c'est pas une comédie avec des gros gags c'est pas une comédie hilarante, quoi. C'est une comédie plus d'ambiance. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Fabien. Ouais, j'avoue que là, comédie d'ambiance, je trouve que c'est si tu trouves que BoJack Horseman c'est une comédie d'ambiance, je trouve que les Griffins dans ce cas-là c'est une comédie d'ambiance. C'est quand même vachement orienté sur des gags. BoJack Horseman c'est orienté sur des gags? Pas du tout. Ah, je trouve qu'il y a des gags dans BoJack Horseman. Il y a quelques. En tout cas, les trois épisodes que j'ai vus, il y a vraiment des moments. Il y a des gags, mais je veux dire, les Griffins, c'est toutes les deux secondes. Ah oui, c'est comme la dernière fois où t'avais fait ça et boum, flashback, un gag. Alors que là, BoJack Horseman, c'est une histoire filée qui suit d'épisode en épisode. Oui. Tu vois, il y a quand même. En fait, c'est ça la différence, c'est qu'on n'est pas sur une sitcom genre les Simpsons où chaque épisode est pas forcément lié l'un à l'autre. C'est que il y a une continuité. Voilà. Donc c'est peut-être plus proche en fait de, je sais pas. Ah, ouais, Matthew Mother, peut-être, finalement. Ouais. Mais en fait, je trouve que l'ambiance de la série apporte quelque chose de particulier que, c'est pour ça que je disais comédie d'ambiance, que on ne rit pas que par les petits gags qu'on voit de temps en temps. Il y a aussi, les personnages en eux-mêmes et leur façon de vivre fait sourire, voilà. Plus que va faire exploser de rire. Bref, ce qui fait que la série marche pour moi, parce que la critique a été assez mitigée, hein, sur la série. Mais pour moi, elle marche très bien. Grâce surtout à ces personnages qui sont vraiment super intéressants. Donc, on a Princesse Caroline, qui est son agent, qui est une chatte violette. Avoue que tu rêvais de pouvoir dire cette phrase-là. Je rêvais violette. De ne pas rire en la disant, cette phrase, surtout. Il y a aussi, chatte lol. Donc, il y a aussi Mr. Peanut Butter, qui lui est un peu l'inverse de BoJack. Ils ont eu, en fait, un succès dans des sitcoms en même temps, dans les années 90, mais c'était deux sitcoms rivales. Donc, Mr. Peanut Butter, lui, c'est un Golden Retriever, et il a quand même des traits du Golden Retriever qu'on connaît, quoi. Il est super actif, il saute dans tous les sens. C'est pas la dernière fois que j'ai discuté avec un Golden Retriever, ça m'a pas donné cette impression. Non, mais ils sont connus pour être, tu vois, pour être tout le temps agités, les Golden Retriever. Non, mais voilà, il a une personnalité de chien qui est toujours content. Tout de suite, les clichés, les Golden Retriever, c'est toujours content, mais les amalgames, quoi. Ah, je savais pas que j'avais affaire à quelqu'un de touche pas à mon Golden Retriever, là, c'est bon. Donc lui il est super positif tout le temps, il rigole tout le temps et il considère BoJack comme son meilleur ami, alors que pour BoJack c'est son pire ennemi, tu vois. Donc ça apporte toujours des situations assez marrantes. Et enfin, le dernier personnage qui est super intéressant, c'est Todd, qui est joué par Aaron Paul. Alors que pour ceux qui voient pas, c'est Jesse Pinkman dans Breaking Bad. Et donc lui c'est une loque. En fait, ils se sont rencontrés comme ça. 5 ans avant les événements là qu'on suit, il y avait une fête chez BoJack Horseman. Et ce Todd est arrivé et il a passé la nuit en dormant sur le canapé de BoJack. Et il n'en est jamais parti, en fait. Depuis tout ce temps, il dort sur son canapé, il squatte. Mais c'est à la fois son souffre-douleur et sa bonne conscience, parce que lui aussi, il est toujours positif, il essaye de le conseiller. Mais tu vois... Il y a souvent dans les séries un personnage souffre-douleur, comme par exemple dans The Office c'était Toby, dans Parks and Recreation c'était Jerry, etc. Et ben là c'est Todd. Et donc on suit petit à petit les pérégrinations de BoJack Horseman à Hollywood. Et ce qui est très drôle je trouve dans cette série, c'est aussi les amalgames qu'il y a parfois entre les... Par exemple, la chaîne de télé principale s'appelle MSNBC, mais pas avec un C, si comme la mer en anglais, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça qui sont liés aux animaux dans le monde-là. Et, ah oui, des jeux de mots. Voilà, des jeux de mots, des trucs comme ça, où on va voir, par exemple, une maman pigeon qui promène son bébé pigeon dans la poussette, et puis tout d'un coup, t'as le bébé pigeon qui s'envole comme ça et qui se casse. Enfin, il y a plein de... C'est ça, tu vois, je trouve, c'est vraiment ça, des moments où c'est des gags qui sont vraiment gags assez gratuits, d'accord, tu vois. Mais ça, c'est en arrière-plan, toujours. C'est jamais le premier plan de... Ouais, bien sûr. Toujours des trucs en arrière-plan, donc t'es pas obligé de le remarquer, en fait. Et quand tu le remarques, c'est toujours un plus. Et enfin, ouais, c'est du bonus, je veux parler dernier personnage que je trouve, mais vraiment c'est mon personnage préféré. C'est con, mais c'est tellement con, mais ça me fait tellement rire. On le rencontre une fois où BoJack Horseman et son agent Princesse Caroline, qui était anciennement sa petite amie, sont dans un bar, et elle veut le rendre jaloux. Parce que lui, il s'en fout, quoi. Il en a rien à foutre. Elle veut le rendre jaloux, donc elle décide d'aller vers le, d'aller au bar et de repérer le premier truc qui ressemble à un homme pour le rendre jaloux. Donc elle accoste quelqu'un et là, c'est son trois enfants dans un imperméable avec un chapeau qui, elle l'accoste, elle lui fait, comment tu t'appelles? Lui, il lui répond, donc avec une voix d'enfant, Vincent, Adult Man. Et du coup, et du coup, tout le long, il y a plein de trucs comme ça. Donc, elle lui fait, ah, dans quoi tu travailles? Et lui fait, ah, Adult Stuff. Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que personne ne remarque jamais, à part Bojack Horseman, que ce sont trois gosses empilés. Du coup, ils ont des conversations, yes, business, tu vois, des trucs comme ça. Et Bojack, tu vois, ça l'exaspère de voir que elle est amoureuse de lui qui est en fait trois. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça dans cette série. Et vu que j'ai perdu mon papier, je ne sais plus quoi dire. Mais en tout cas, je vous la conseille vraiment cette série. Elle est. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un nouveau souffle dans les séries d'animation. Voilà. Je termine comme un papier des Inrocks, tu vois. Oui, le nouveau souffle. Je plus sois, c'est vraiment une excellente production Netflix. Comme tu dis, avec un bon scénario, un bon point de départ, et puis j'adore, comme tu dis, les blagues d'arrière-plan, justement, c'est ça, ouais. qui donnent l'envie de regarder plusieurs fois pour être sûr qu'on n'a rien loupé. Et ça, c'est pas forcément une qualité de toutes les séries qui sont peut-être trop littérales parfois. Ah, il y a un truc que je voulais rajouter, c'est que c'est pas une série donc on se marre de tout le temps. Parce que c'est une série aussi qui évoque des sujets un peu sérieux. Par exemple, la dépression de BoJack Horseman. Je trouve que c'est une des séries qui montre le mieux la dépression. Il est pas tout le temps en train de se morfondre. Il lui arrive d'être souriant et tout, tu vois. Mais il reste dépressif et il a du mal à en parler. On voit pourquoi il est dépressif, etc. Là, on voit, il y a aussi, il y a des évocations de sectes dans la saison 2. D'ailleurs, si vous avez vu la saison 1 et que vous hésitez à regarder la saison 2, regardez la saison 2, elle est aussi bonne, si ce n'est mieux que la première. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je ne sais plus quoi dire sur cette très bonne série que je vous recommande. C'est déjà pas mal, hein, je dirais. Ouais, j'en ai vu très très peu, justement, quand Fabien regardait. J'ai vu des bouts d'épisodes, mais ça m'avait l'air effectivement très très prometteur. Bah, essayez de finir la saison 1 ou 2. Ouais, enfin, si vous avez envie, hein, je vais pas vous forcer. Après, non mais... Comme d'hab, c'est toujours le problème avec les séries, en fait, c'est qu'on a énormément de mal à trouver du temps pour regarder des séries. C'est On essaye déjà de trouver du temps pour regarder des films. Et les séries, c'est tellement d'investissement, je vais le dire à chaque fois, hein, mais c'est quelque chose... Quand c'est lancé, en général, c'est lancé, mais on a vachement du mal à démarrer, quoi. Après, c'est pratique de pas avoir de boulot et tout, comme ça. Non, mais le temps, on pourrait le trouver, tu vois. Ah, c'est donc pour ça que les sociétés actuelles sont à fond sur les séries, c'est parce qu'il y a beaucoup de chômage, en fait. C'est exactement ça. Ça a été prouvé par des scientifiques qui font de la science, même. Avec des blouses. Et des lunettes. Blanches. Et des petits stylos dans la poche droite. Donc voilà, c'était la super chronique de Bilou. On va à présent passer à... Top cool! Méga génial! Super! On va donc passer à la musique de Valentin. Donc, je te laisse. Et oui, du coup, comme pour continuer mon hommage à Iwata Satoru. Je sais plus, là. Donc, j'ai pris une musique de Kirby Dream Land. Donc, le morceau s'appelle Green Green. Et surtout, c'est une reprise de Smooth McGrove. Donc, pour ceux qui connaissent pas Smooth McGrove, c'est quelqu'un qui refait toutes les musiques de jeux vidéo et de films, mais qu'à la voix. C'est les Vodka People... C'est un Vodka People barbu avec les cheveux longs et avec un chat, voilà. Voilà, c'est ça, c'est les Vodka People en un seul mec. Et non pas voilà. Les Vodka People. Non, là, ça, c'est la version russe avec Poutine, les Vodka People. Les Vodka People. Enfin bref, voilà. Un petit morceau de l'armée russe par les Vodka People. Allez, on se réécoute ça tout de suite. Donc, Green Green, reprise de Kirby Dream Land par Thank you. Donc voilà, c'était la musique de Valentin, et maintenant on va passer à la question de l'abonné, puisque vous avez été extrêmement nombreux. Je propose qu'on l'applaudisse. Je propose qu'on l'applaudisse, ouais. Vu que c'est le seul à l'avoir fait, on l'applaudit. Il s'appelle comment? Attends, il s'appelle comment? Voilà. Bah attendez, alors je récupère la question. Alors on remercie notre abonné absent du jour qui s'appelle Toxic Rocker. Et qui nous demande, bon alors en vrai il me demande à moi, mais on va élargir à tout le monde pour que ça soit pas trop... Merci, on participe un peu aussi, merci. Voilà, hein, pour faire participer les copains. Alors la question est très simple, quelles étaient tes motivations pour te lancer dans les vidéos? As-tu une formation, et si oui, laquelle? Et il nous précise Toxic Rocker qu'il est un grand fan de Pokémon. Je pense que c'était important que je le dise. D'accord. On voit mieux à qui on a affaire. Ouais. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur. Gagner les défis. Les défis. Je parcourrai la terre entière. Je peux pas m'arrêter là. Attends, avec espoir. Avec espoir. Oh, les Pokémon. Alors qui va répondre à la question au premier? Pokémon. Ouais, que j'arrive au premier Pokémon, j'arrête. Alors, on va commencer tout de suite par toi, Valentin. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans les vidéos? Est-ce que tu as une formation? Si oui, laquelle? Alors, j'ai commencé les vidéos quand j'étais au lycée. Et en fait, le truc, c'est que je savais ce que je voulais faire dans la vie. C'est-à-dire, je voulais partir en informatique. Mais je savais dans quelle école j'allais. Mais je me faisais horriblement chier au lycée parce que... c'était plus intéressant pour moi, je m'ennuyais, je m'ennuyais vraiment, j'avais des mauvaises moyennes entre guillemets, donc du coup, je voulais créer quelque chose, je m'étais déjà penché sur les sagas MP3 avant, mais j'étais pas assez doué dans le montage, donc j'ai laissé tomber, je faisais de la musique à côté aussi, mais j'appréciais pas vraiment, puis un jour, j'ai eu l'idée de faire par mon scénar, donc un truc sur les scénarios, sachant que j'aimais bien les scénarios, et que je veux devenir plus tard scénariste de jeux vidéo. Donc du coup, je me suis dit, je vais me pencher là-dessus, et puis ça a commencé petit à petit, puis j'ai pris goût au montage, et puis j'ai continué ma route là-dedans, et puis j'ai pris goût vraiment à tourner, à trouver les petites blagues qui vont bien, et à faire des petits courts-métrages, des petits trucs de chaque côté. Bon, j'ai pas tourné de courts-métrages, mais en tout cas pour les intros de mon parlant scénar, j'essaye de faire comme, et donc du coup... c'est venu comme ça en fait, c'est une passion qui s'est développée en même temps que mes vidéos en fait. Et non, j'ai aucune formation, j'ai appris sur le tas avec des tutos sur internet comme la plupart d'ailleurs. Donc autodidacte. Hein. Et toi Bilou, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos de temps en temps? Alors bien joué. Alors déjà je me faisais chier et je regardais énormément de vidéos tous les jours. Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas me faire chier tout en n'ayant pas de talent. Et là, je me suis dit, je vais faire des vidéos. Il suffit de faire un montage très rapide et les gens, ils remarquent pas que c'est nul. C'est très gentil pour tous les gens qui font des vidéos. Et du coup, j'ai fait ça. Et puis voilà. Et comme ça, j'ai pu rencontrer des gens super comme Valentin et Fabien et Lucie. Et voilà. Et après, j'ai décidé... Elle va aller se faire foutre. Ah, mais je l'ai dit, hein, Lucie. Ah, on l'a pas entendu. Tu réécouteras, je te jure que je l'ai dit. Oui, je l'ai entendu. Donc, j'ai entendu. Et du coup, de toute façon, je couperai au montage ça et toutes les mauvaises blagues racistes que j'ai fait au long qui sont pas drôles. Ah cool, on peut dire des trucs racistes là maintenant? Oui, vas-y. Ouais, de toute façon, les Arabes, c'est tout la même merde. On voit bien, ils viennent en France, on leur donne ça, ils prennent ça. Ils nous volent notre travail. Et du coup, j'ai décidé de faire des vidéos, puis après j'ai décidé de plus en faire, puis après j'ai décidé d'en faire, après j'ai décidé de plus en faire, après d'en faire et de plus en faire. Et là, je suis dans une période pas en faire, et dans 2-3 semaines, j'en ferai. Puis voilà. Est-ce que t'avais une formation spéciale? Ah, une formation? Non. Tu avais parlé russe, mais comme un grand, avec les tutos, pareil. C'est ça, Andrew Kramer, tout ça, et puis voilà. On trouve absolument tout ce qu'il faut sur Internet pour devenir un bon vidéaste. La seule formation qui est pratique, c'est que j'ai fait de l'anglais à l'université et c'est très pratique pour trouver des tutos sur Internet parce que le YouTube anglais regorge mais de millions de tutos très utiles. Voilà. Je conseille aussi parce que je sais pas parler anglais et je suis dans le caca. c'est vrai que tu soulignes un point important, quand tu parles anglais, tu trouves tout. Même des gens qui sont pas natifs anglophones, mais qui vont faire le tuto en anglais. Ouais, ouais. C'est beaucoup plus rare d'en trouver en français et de qualité. Il y en a, hein, il y en a certainement, mais c'est dur d'en trouver sur tout ce dont t'as besoin. En anglais, t'es sûr que tu tomberas sur tout. Alors évidemment, c'est plus handicapant pour Valentin. Mais pour le coup, alors je conseille à tous les non-anglophones. Tu prends quoi, ouais. Il y a un site internet donc pour trouver des tutos. C'est en anglais, mais en regardant, on comprend ce que le mec fait. C'est-à-dire que bon, si en plus on a des bases en anglais, si vous avez fait de l'anglais au lycée, normalement vous pouvez vous en sortir un minimum avec ça. Et en regardant en même temps, d'une part, ça va vous apprendre l'anglais parce que du coup, vous comprenez, il y a des mots qui vont s'insérer dans votre crâne avec des trucs. Enfin bref. Quand par exemple il va cliquer sur play, bouton spécial, vous savez que tel bouton ça correspond à tel mot en anglais, donc du coup ça va vous enrichir votre vocabulaire. Et en plus, pas besoin de parler anglais, l'image vous suffit pour apprendre le tutoriel. Vidéo copilot. Bah, tout à fait, j'aurais pas mieux résumé. Écoute. Alors Lucie, est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a poussé à faire des vidéos d'histoire sur Internet, hein, parce que. Bah quand même, excuse-moi, tu fais des vidéos d'histoire sur Internet. En tout cas, tu les scénarises, tu fais des recherches. Bah je voulais pas en fait. Merci. Donc est-ce que tu peux nous parler de la pression psychologique que tu subis de la part de ton compagnon qui... Et c'est mon père aussi qui a insisté. Il y a eu toi et puis il y a aussi juste quelques mois avant qu'on commence, il y a mon père aussi. Bah tu fais ça tellement à contre-cœur. On dirait qu'on te tend le flingue sur la tempe là. Écris, salope. C'est pas ça. C'est juste que d'une part, j'ai pas énormément de temps libre entre guillemets. Donc déjà ça limite un peu les possibilités, mais c'est surtout que j'ai beaucoup de méfiance par rapport au support internet et par rapport aux vidéos YouTube, parce que j'ai déjà pu constater sur des gens que je regarde à quel point on peut se faire très rapidement harceler par des gens sur des conneries j'ai largement pas du temps à perdre dans ma vie à subir ce genre de truc, et j'avais très très peur d'avoir surtout des retours extrêmement négatifs, d'avoir des attaques personnelles, enfin des choses comme ça et du coup j'ai été très très très très réticente, c'est le moins qu'on puisse dire, à commencer, et puis j'ai fini par me décider avec beaucoup d'encouragement et pour l'instant ça se passe très bien, donc on croise les doigts, voilà. Et pour le coup je n'ai absolument aucune formation dans ce domaine, puisque moi je ne gère rien du tout de tout ça et de tout ce qui est de l'aspect technique, et je m'occupe uniquement des recherches, de l'écriture et des idées, mais pas du tout du montage, voilà. Si je filme du coup, mais je fais pas de montage. Mais ça te plaît au moins? Voilà. Oui. Là, j'ai cru que nous annoncer la mort de quelqu'un. Dis la vérité. Parce que franchement, là. Non. Si tu veux, on arrête. Hein. Voilà, on assiste à la fin. On va faire court. C'est cool. Non, mais c'est vrai que. Mais je suis très contente. Il y a pas de souci. C'est très sympa. Ouais, je suis très contente. Dis donc, je déteins sur toi pour l'espèce de pessimisme et le problème à équilibrer ce qui va et ce qui va pas. Parce que là, j'ai l'impression que. Ouais, non, je voulais pas. C'est mon père qui m'a forcé, et puis mon compagnon. J'ai beaucoup de méfiance envers le support internet. Bonjour bonjour Lucie. On l'applaudit bien fort, elle a eu le courage de témoigner. Les enfants sont formidables. Le but c'était d'essayer d'expliquer l'origine. Je vais pas mentir en disant voilà, j'étais super enthousiaste, j'avais envie de faire des vidéos, c'est pas vrai. Mais du coup pour le coup oui, ça me plaît beaucoup, parce qu'en plus ça me permet d'extérioriser des connaissances, parce que pour ceux qui ne savent pas, je fais une thèse. Faire une thèse, c'est un travail long, c'est un travail difficile, mais surtout un travail très solitaire, où on est très isolé. Et moi, par contre, ce que j'adore faire, c'est partager avec les gens, surtout quand, enfin, par rapport aux connaissances, etc. Discuter avec eux. Comme boulot, j'ai fait beaucoup de boulot de médiation culturelle, donc discuter sur ma passion de l'histoire, etc. avec des gens. Et du coup, on va faire court me permet à la fois d'assouvir ma propre curiosité, parce que du coup j'approfondis des recherches sur des sujets qui m'ont toujours intéressé, et puis en plus Ah, j'essaie de communiquer ma passion pour ces sujets aux autres et du coup le côté isolement de la thèse est beaucoup moins fort. Donc c'est ce gros aspect positif. Mais sinon, oui. Est-ce que t'aimes bien faire des vidéos? Oui. Bon, et pour terminer, pour répondre donc à la question, j'ai voulu commencer à faire des vidéos depuis très longtemps. Je faisais surtout des courts-métrages au lycée avec les potes. J'adorais ça, même au collège d'ailleurs. Et j'avais longtemps voulu être réalisateur. Bon, quand on grandit, on se rend compte que c'est très difficile de faire réalisateur de films. Et même de faire des courts-métrages, les courts-métrages... ça, c'est mon avis personnel, mais je trouve que les courts-métrages ont une très mauvaise visibilité, en France en tout cas. On avait fait quelques festivals et j'étais assez déçu au bout d'un moment de me rendre compte que la plupart des gens qui faisaient des courts-métrages, c'était des brouillons de ce qu'ils voulaient faire comme long métrage après. C'était une sorte de démo technique. Et du coup, je rencontrais pas vraiment des gens qui voulaient faire des courts métrages sympas. Je rencontrais des gens qui voulaient faire un film et qui voulaient juste montrer qu'ils avaient les moyens de faire un film. Du coup, quand t'es arrivé et quand c'est bien démocratisé YouTube, j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient des vidéos et qui plus est, qui arrivaient à faire des vidéos avec peu de moyens, mais des idées. Et ça, je trouve ça complètement honorable et génial de voir des gens comme Antoine Daniel qui s'est filmé dans sa piole avec une webcam dégueulasse, avoir eu autant de succès et avoir touché autant de gens parce qu'il avait de l'humour, parce qu'il avait un bon sens du rythme et des idées. Du coup, ça m'a... Je vais pas dire que c'est Antoine Daniel forcément qui m'a motivé, mais c'est un archétype, quoi. C'est, pour moi, c'est un symbole de... On peut faire de grandes choses avec pas grand chose. Ouais. Et ça m'a vraiment motivé à l'idée de faire des vidéos parce que j'avais envie d'en faire des vidéos. J'ai longtemps cherché sur quoi faire des vidéos. Je voulais trouver un sujet original. J'ai commencé par des vidéos de critique cinéma. C'était un stade où ça pullulait déjà pas mal sur Internet. Ensuite, on a eu l'idée de faire, on va faire court. C'était peut-être le début des vidéo culturelle, je sais pas trop encore, parce qu'on est en plein dedans, donc on n'a pas le recul. Mais on l'a jamais ça, fait. C'était ça. Comment enfin, quand est arrivé, on va faire court. C'est arrivé en plein. Disons que ça commençait à monter vraiment. Voilà, il y avait déjà y penser. Il y avait déjà beaucoup de. On est arrivé en plein milieu, je pense, mais on l'a pas fait dans un cadre opportuniste. On l'a fait vraiment parce que. On avait envie de le faire. En fait, disons qu'on... Je dis on parce que je travaille avec Lucie. Mais on a voulu faire des vidéos parce qu'on avait envie de faire des trucs qu'on voudrait voir sur Internet. Je sais pas si je suis clair. Je vais le reformuler autrement. On a envie de faire ce qu'on fait. Donc on le fait parce qu'on a envie de le faire. Ouais, c'est con, ça se résume comme ça. Ouais, puis en plus, toi, le truc, c'est que l'image et les vidéos, ça a toujours été ton support. Je veux dire que tu te filmes ou tu filmes tes copains depuis que t'as quoi 10 ans. Ouais, 10 ans, même quand j'étais plus petit. Ouais, donc YouTube n'est qu'une, en quelque sorte, enfin les formes des vidéos YouTube n'est qu'une plateforme nouvelle pour toi de t'exprimer, mais quelque part t'as toujours fait de la vidéo et du coup t'avais déjà tout ce savoir-faire en montage, en animation. Voilà, du coup pour la formation c'était principalement de l'autodidactisme. Et puis j'ai quand même fait un peu des études de communication visuelle. J'ai fait un BTS communication visuelle. Qui, cela dit, m'a pas tellement appris à faire des vidéos me servir des logiciels pour faire des vidéos. C'était vraiment orienté sur graphisme, mise en page. On utilisait des logiciels comme InDesign pour faire du traitement de texte. C'était destiné à faire. Ça avait l'air fun, non ? C'était pas super l'éclate. Enfin, j'ai des bons souvenirs, hein. Franchement, j'ai passé des super moments là-bas et j'ai rencontré des gens super. Je suis encore très pote avec des tas de gens du BTS. Il y avait des profs super sympas, il y avait des profs qui étaient un peu plus durs ou qui m'ont envoyé vachement d'ondes négatives en me démontrant que j'étais un peu nul en graphisme. Peut-être à leur insu, peut-être qu'ils voulaient pas me descendre, mais ils m'ont vachement descendu pour la plupart et ça donc a été là, un peu dur. Donc là, c'est la séance divan. Et en fait, quand j'étais jeune, j'étais vraiment triste dans ma vie parce que j'arrivais pas à voler. Et qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment précis, en fait? Bref, du coup, tout ça pour dire que j'ai principalement une formation autodidacte dans la vidéo. Voilà, donc heureusement finalement qu'il n'y avait qu'une seule question. Donc c'était la question de comment c'est Toxic Rocker. Toxic Rocker, voilà. Donc merci à toi pour cette question. J'espère que nous y avons tous répondu correctement, enfin, selon ce que tu attendais. Et du coup, parlons un tout petit peu avant de conclure des projets à venir de chacun. Valentin, des projets à venir. Je sais, je remue un peu le couteau dans la plaie, mais... Oui. Là, en fait, pour tout le monde, hein, mais enfin surtout pour Valentin, je pense. Ouais, en fait, alors donc j'étais à fond parce que donc il y a le Parlons Scénar 12 qui est terminé normalement. Mais en fait, donc je vais expliquer voilà la petite anecdote marrante. Qu'est-ce que c'est drôle. Donc je tourne l'intro pour mon Parlons Scénar. Je monte dans ma chambre pour allumer mon ordinateur. Je rends l'épisode. Donc tout ce qui est comment explication de scénario est sous mes yeux ébahis, mon chargeur d'ordinateur a fondu. Donc du coup, j'ai cherché sur internet pour un nouveau chargeur. Malheureusement, il n'y avait pas ma marque. Du coup, j'en ai acheté un d'une autre marque, mais l'embout n'allait pas dessus. Du coup, j'ai renvoyé mon ordinateur au SAV, et du coup, j'ai pas d'ordinateur depuis un mois. Donc j'ai pas pu faire l'épisode. Un film de Wes Anderson, ton histoire. Et donc du coup j'ai les boules parce que j'étais à fond cet été pour le faire et là ben ça m'a retiré toute envie, toute énergie. Et bon j'espère recevoir mon PC assez rapidement pour pouvoir terminer bien comme il faut avec les idées que j'avais mon épisode parce qu'en plus pour moi l'épisode 12 c'est le renouveau de quelque chose parce que j'ai acquis en expérience, j'ai acquis en technique donc c'était vraiment un renouveau pour moi et je peux pas le faire. Donc, eh bien, écoutez, on va voir quand est-ce que je vais recevoir mon ordinateur, mais à mon avis, pas avant 2 semaines, 3 semaines, malheureusement. Oui, ouais. Bon, on va souhaiter tous un très bon courage à Valentin. Ah, oui. Et si quelqu'un veut lui envoyer un ordinateur, il nous contactera et on lui transmettra l'adresse. Alors, par contre, si je veux un ordinateur, alors il faut être clair. je veux un MacBook à 2000 €. Ah non, surtout pas Mac, s'il te plaît. On va continuer par Bilou, des projets? Alors moi, il faut écouter le dernier podcast, vous prenez ce que je dis à la fin, et vous le reportez à un mois plus tard, et c'est pareil. C'est bon. T'en es où de cette vidéo sur les cow-boys? Bah là, elle est un peu nulle part. Non, franchement, c'est exactement pareil, là. Rien n'a évolué. Il fait trop chaud, c'est la canicule, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Quand je sors, tu vois, je me dis allez, je vais faire un truc. Puis il y a le soleil, je fais non, je vais rien faire aujourd'hui. Puis je fais rien. Bah, viens en vacances en Bretagne quelques jours. Allez, à demain. Et toi et vous, du coup, Baf et Lucie. Ah, en fait, c'est comme tout le monde. Hein, vous prenez la fin de ce qu'on avait dit au précédent et vous reportez. Non, hein. C'est pas vrai. On a avancé. Bah, on a avancé. Mais disons que la vidéo, j'aurais pensé qu'on l'aurait fini. On a fini de l'écrire et on a débuté le tournage. C'est donc toujours une vidéo sur les Vikings. Et ça va venir pour le mois d'août, parce que ça va être un épisode plus gros que ce qu'on avait prévu. Et puis encore parce que aussi... ça... Ouais, toujours plus long, toujours plus fort. Comme m'habite le Seigneur, voilà. C'est aussi circonstanciel dans le sens où en plus, ces derniers mois, on a vraiment, vraiment pas beaucoup de temps libre, donc ce qui fait que ça retarde un petit peu tout ça. Mais ça va venir. Donc voilà, c'était le petit tour des projets à venir de chacun. Alors j'aimerais bien que la prochaine fois il y ait un peu plus d'enthousiasme et un peu plus de foi en l'avenir, parce que là c'était pas terrible. Moi je propose qu'on continue sur ma lancée de se plaindre de ce qui nous est arrivé de plus grave dans la vie. Ah là. Bon bref, donc du coup j'ai pas réussi à avoir l'amour de mon père suffisamment. J'aimerais qu'il me dise je suis fier de toi fils. Ah, jamais pareil, j'ai pu... Ouais, ça m'a fait pareil depuis que je suis tout petit. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne serais jamais un homme émission, à part entière. Ce nouveau podcast, en espérant que ça vous a plu... Que ça vous a plu à tous, et si ça vous a pas plu... Ouais, c'était pas mal, ça. Allez vous faire enculer si ça vous a pas plu. Et on Ça m'a pas plu On va conclure par... On va conclure par la course sanguine, du coup. Justement, voilà. Allez. Voilà. Alors, allez-y, parce que... Allez-y, les consanguins, parlez-nous de ce que vous nous proposez pour terminer. Allez, Valentin, je te laisse présenter notre chef-d'œuvre. Alors, nous avons tout simplement pris un jeu qui nous tient à cœur tous les deux, hein, un jeu donc sur Super NES qui est Yoshi Island, et on a repris donc un morceau connu de ce jeu-là, et on a remixé avec moi à la guitare et Baf avec l'orchestration. Orchestration numérique, voilà. Mais qui se veut plutôt symphonique, un petit remix un peu jazzy, un peu sympa. On espère que ça vous plaira. Donc c'est parti pour Yoshi's Island, le thème athlétique et non pas asthmatique. Allez, salut tout le monde. Au salut, à bientôt.